Oh là là! Il faisait beau à Biarritz? Pas trop. La première semaine, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Après, ça a été mieux. Dites, Louise, Monsieur Jimmy est là? Oui. C'est lui que vous voulez voir? Ben, c'est-à-dire, j'ai une commission à faire de la part de Lily pour sa mère, mais je peux aussi bien la lui faire à lui. Alors, vous voulez que je lui dise que vous êtes là? Oui, vous seriez bien gentille, Louise. Va venir. Merci. Elle va bien, mademoiselle Lily? Oh oui, très bien. Elle est contente, à ce qu'il paraît. Oh oui, on a fait presque le double d'affaires ce mois-ci. Par exemple? Oui, et puis une clientèle épatante, vous savez. Rien que des Américaines et des Argentines. Alors pensez. Je m'excuse de cette tenue, Nicole, j'étais dans mon bain. Oh mais ça ne fait rien. Louise, tu veux nous laisser un instant? Voilà, j'ai fini. Tiens, tu devrais bien aller déballer mes affaires à moi. Votre malle est ouverte? Oui. Qui est avec maman? Votre frère, monsieur Manuel. Tu n'es pas folle de venir ici, toi? On ne m'attrape pas, j'avais trop envie de te voir. Mais tu sais que c'est le petit salon de maman ici. Elle peut très bien entrer. Mais j'ai un prétexte si elle entre. Une commission de la part de ta sœur. Lily? Oui. Dis donc, j'ai pensé qu'on aurait pu déjeuner ensemble. Mais où? À la maison, tu veux bien? Oui. Formidable, à quelle heure? Vers 1 heure. Ah non, c'est trop tard. Il faut que je sois rentrée à l'atelier pour 2 heures, sinon ta sœur m'attrapera. Viens à 12h30 au moins. Je tasserai. Oh, que je suis contente de te revoir. C'est vrai? Oui. Tu as pensé à moi là-bas? Oui. Tu ne m'as pas écrit souvent? Tu t'es amusée? Penses-tu? Oh, tu dis ça? Je le dis parce que c'est vrai. Et ton Américaine? Quoi, mon Américaine? Elle est toujours aussi amoureuse? Mais non. Menteur, je le sais, va pourquoi tu as été là-bas. Alors, si tu le sais, pourquoi me poses-tu des questions idiotes? En tout cas, si ça peut te faire plaisir, je m'y suis rudement embêtée. C'est vrai? Chut. Ah, il est là. Tiens, Nicole. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? J'avais une commission à vous faire de la part de Lily, madame. Elle vous fait dire qu'elle a été désolée de n'avoir pu aller à la gare, mais elle viendra tout à l'heure, dès qu'elle aura un instant. Bien. Voilà. Maintenant que ma commission est faite, je vais me sauver. Oui. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, Jimmy. Au revoir, Nicole. C'est toi qu'elle avait demandé? Pas du tout, je suis entré par hasard, je l'ai trouvé qui attendait. Alors je me suis arrêté pour lui dire bonjour, là tout. Ton frère est là. Manuel. Oui. Bonjour Manuel, comment ça va? Et toi? Merci, les gosses? À la maison? Angélica va bien. Comme si comme ça, enfin, elle va aussi bien que possible dans son état. Quel état? Oh, voyons, Jimmy! Tu sais bien qu'elle attend un bébé! C'est vrai, au fait, félicitations! Oh! Quoi, tu n'es pas content? 4 enfants au prix où est la vie, tu sais, ce n'est pas drôle. Moi, si tu attends que je te plaigne, alors là... Oui, oh, je sais bien, vous figurez tous ici que j'ai de l'argent de savoir qu'en faire. Mais non, mon chéri, personne n'a jamais prétendu ça. Tout le monde sait bien que tu as des charges. Et bien, on ne le dirait pas. En juger parce que tu viens de me demander il y a 5 minutes? Ben, je t'avais demandé ça parce que je pensais que tu pouvais peut-être me rendre un service momentané. Eh bien non, maman, je ne peux pas. Je regrette beaucoup, mais je ne peux pas. C'est bien, c'est bien. Nous avons tout juste de quoi vivre, en faisant très attention, je te prie de oui, croire. Mais oui, mon chéri, mais oui. Je ne demanderais pas mieux, moi, que de pouvoir me payer un appartement dans un palace comme vous. Bon, je t'ai déjà expliqué que ce nous sommes ici, c'est parce que ta sœur a eu besoin de l'appartement encore quelques jours. Comme elle est au milieu de ses travaux, rue Cambon, elle a installé une partie de ses ouvrières à la maison. Je ne pouvais pas lui refuser ça. D'ailleurs, elle prend toutes nos dépenses ici à sa charge. Bah pourquoi as-tu besoin d'argent, alors? Oh, mais mon enfant! Oh, lâche donc, maman, à quoi bon toutes ces explications? On croirait que tu ne sais vraiment pas ce que coûte un séjour à Biarritz. Mais je me rends compte d'une chose, moi, en tout cas, c'est que pour me marier, moi, tu n'as pas jugé utile de faire tous ces frais. Il n'a pas été question d'aller à Biarritz pour moi. Ça prouve que tu as eu plus de chance que tes frères. Voilà tout. D'ailleurs, tu fais ce qui te plaît, ça ne me regarde pas. J'allais te le dire. Eh bien, tu vois, je t'ai évité de prendre cette peine. Donc, vous n'allez pas commencer à vous disputer. Non, mais c'est pas moi qui commence. Dis donc, Jimmy, tu sais que Manuel n'a rien entendu dire pour Philippe et Christina, n'est-ce pas? Rien. Qui t'a raconté cette histoire? Mais Clarisse qui m'a télégraphié, c'est pour ça que je suis revenue. Qu'est-ce que t'as raconté dans son télégramme, Clarisse? Elle me disait qu'un événement grave était survenu entre Philippe et Christina et elle me conseillait de revenir le plus rapidement possible. Je ne sais rien de plus. Bah, Christina aura fini par en avoir assez, probablement. Avoue que Philippe ne l'aurait pas volé? Oh, allons, allons, il faut être un peu indulgent pour ton frère. C'est un enfant. Tout le monde ne peut pas être aussi raisonnable que toi, mon grand. Heureusement, Seigneur. Tu dis? Rien. Oh, tu peux faire le malin, tu seras peut-être bien content un jour ou l'autre de venir me chercher, toi. Oui, ou bien pour ce qu'on te trouve quand on vient te chercher. Bon, très bien, je me souviendrai de ça. Oh, tu peux. Non, vous n'allez pas recommencer. Sois tranquille, je m'en vais. Lily, oui. T'as pas donné un mot pour moi? Mais je ne l'ai pas vue, Lily. Elle m'a fait dire qu'elle tâcherait de passer ce matin si elle trouvait un instant. Il paraît qu'elle a un travail fou. Je sais, je viens de la rue Cambon, elle n'a même pas pu me recevoir. As-tu une commission pour elle? Bon, je lui téléphonerai. Au revoir, maman. Au revoir, mon grand. Je te fais appeler un taxi? Non, c'est inutile, je prends toujours le métro, moi. Ah, il n'a pas changé, celui-là, toujours aussi radin. Allons, allons, ne reste pas là en peignoir, tu vas prendre froid. Dis-moi, comment vas-tu faire, puisque Manuel n'a rien voulu savoir? Ah, ça! Demande à Clarisse, voilà tout. Oh, Clarisse! Quoi, elle est là pour ça? Si papa l'a épousée, c'était pas pour son plaisir, je suppose. Donc, Jim! Mais tu sais bien comment elle est, elle va trouver que je lui demande trop souvent. Il faut tout de même en sortir, d'une façon ou de l'autre. On peut entrer? Oh, c'est toi, Lily, mais entre, voyons. Bonjour, maman. Bonjour, ma petite fille. Bonjour, toi. Bonjour. Oh, je te demande pardon de ne pas avoir été à la gare, mais il n'y a pas eu moyen. Depuis 8 heures, j'arrête pas de monter et descendre des étages. Tu commences de bonne heure. Bah, faut bien. Je suis venue un instant en courant pour dire bonjour, mais il y a 3 courtiers américains qui m'attendent, va falloir que j'y aille. Oui. Je viendrai déjeuner avec toi, si tu veux. Oui. Alors, ça marche, les affaires, à ce qui paraît? Ah, ça commence. 200 000 francs de commande de mois passé. Oh. Qu'est-ce que tu payes? Oh, t'as du tout peu. Ça ne suffit pas que j'aurai tes dépenses ici. C'est pas moi qui ai demandé à y venir. Tu n'as pas rencontré Manuel? Il voulait te voir. Ah si, bien sûr. Voilà 3 semaines qu'il me rase pour que je lui prenne de l'argent dans l'affaire. Il m'offre tout ce que je veux, à 10%, plus une part dans les bénéfices, tu penses? Tu entends ça, maman? Pour que Manuel offre son fric, il faut que la maison ait une bonne réputation. Ah, ça, tu peux le dire, oui, monsieur. Et toi, ça a marché là-bas? Oui, oui. Alors, ça y est? Ou pas encore. Ben, elle revient quand, ton américaine? Je sais pas. Dis donc, tu vas tâcher de me l'amener quand elle sera là. Ma collection sort la semaine prochaine, je compte sur toi. Mais 10%, hein? Ah non, pas 10. 5. Et c'est déjà joli, tu sais. Dis donc, Lily, sais-tu ce qui s'est passé entre Philippe et Christina? Ah ben, je ne sais que ce que Clarisse t'a télégraphié. Philippe m'a téléphoné l'autre matin pour demander un rendez-vous, mais j'ai pas pu trouver le temps de le voir. Ah, tu ne sais pas ce qu'il te voulait? Non, il m'a simplement dit qu'il désirait me parler, il avait l'air embêté. Quant à Christina, elle avait commandé un manteau du soir, il est à l'essayage depuis un mois, elle n'est pas encore venue. Ah, c'est pas très bon signe, ça. Oh, t'inquiète pas, elle l'a commandé, elle le prendra. Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Je pensais à Philippe. Ah, oh, mais qu'est-ce que tu veux? Il récolte ce qu'il a semé. Bon, là-dessus, mes enfants, je vous aime bien, mais il faut que j'aille retourner travailler. Mais... Je viendrai déjeuner vers midi et demi. Ça va comme ça? Très bien. À tout à l'heure. Bon, moi j'y vais. Ce matin? D'abord le masseur, ensuite la manucure à 11h moins le quart. Après, je tâcherai de passer chez mon tailleur et puis j'irai faire un tour au bois. Mais t'as le son de boxe? Oh, pour ce matin, comment veux-tu que j'ai le temps? Oui? Oui, oui, faites-la monter. C'est Clarisse. Oh là! Oh, reste au moins pour lui dire bonjour puisque tu es là. Oh zut, elle me barbe! Oh, tu vois comment tu es. Tu me dis de lui demander un service et tu ne peux même pas faire un petit effort pour être aimable. C'est votre belle-mère, après tout. Oui, bien ça, nous ne sommes pour rien, nous. Alors tu t'en vas? Je te dis, j'ai le masseur qui m'attend. Ben, tu reviendras quand il sera parti, alors. Si tu y tiens absolument. Tu me le promets? Oui. Bonjour, Isabelle. Bonjour, ma bonne Clarisse. Tiens. Que tu es gentille. Oh, les belles roses. Mettez tout de suite ces fleurs dans l'eau. Pas trop fatigué? Un peu. Jim, il est resté là-bas? Non, non, non, il est là, il va venir te dire bonjour. Et comment ça va avec son américaine, la petite Freeman? Eh ben, ça ne va pas mal, mais tout de même, je trouve que ça traîne un peu. Elle est revenue en même temps que vous? Bah ben, non, malheureusement, c'est bien ce qui m'inquiète. Alors pourquoi n'as-tu pas laissé Jimmy? Mais c'est Jimmy qui a voulu revenir. Il dit qu'au point où ils en sont, une petite séparation ne sera pas mauvaise, enfin je te raconterai. Mais avant tout... Parle-moi de Philippe. Mais tu ne l'as pas encore vu? Mais non, je ne l'ai pas vu. Il m'a fait dire qu'il tâcherait de passer avant midi, mais je voulais t'avoir vu, toi, avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que ton fils a une maîtresse. Oui, naturellement. Quoi, naturellement? Enfin, je veux dire, c'est bien ce que je craignais. Et Christina le sait. Aha. Et elle veut divorcer. Non. Si, si. Mais enfin, c'est pas la première fois. Elle sait bien qu'avec Philippe, ça ne compte pas et qu'il lui reviendra. Elle n'y tient peut-être plus à ce qu'il lui revienne. Christina? Oh, allons donc, elle l'adore. Voyons. Tu imagines toujours que tes fils sont impossibles à remplacer. Je n'imagine pas ça, mais le modèle de Philippe, crois-moi, ça ne court pas les rues. Oh. Quoi? Tu ne trouves pas que Philippe est beau, peut-être? Si, il est beau. Comment ne serait-il pas beau avec un père comme le sien? Mais la beauté, ce n'est pas tout. Oh, c'est tout de même le principal. Son père, lui, n'était pas seulement beau. Il était fidèle. Ah, c'était une autre espèce de mari, lui. Je connais aussi bien que toi les qualités de son père comme mari. Enfin, s'il n'avait pas commencé par être très beau, nous ne nous serions jamais aperçus qu'il les avait, ces qualités, reconnais-le. Je l'aurais aimé même s'il avait été laid, moi. Oui, oui. On dit ça. c'est que tu ne l'as jamais aimé comme moi, vois-tu, Isabelle, tu ne peux pas comprendre. Ah non, non, non, non, tu ne vas pas recommencer avec cette histoire, n'est-ce pas? Quelle histoire? Mais c'est vrai, tu te crois tout le temps obligée de me donner des leçons sur la façon dont j'aurais dû aimer Armand. J'en ai assez à la fin. Il a été mon mari pendant 18 ans, et tout ce temps-là, je n'ai jamais regardé un autre homme. Tu m'entends? Pas un. Si tu l'aimais tant que ça, comment as-tu pu consentir au divorce? Et qu'est-ce qui serait arrivé si je n'y avais pas consenti? Tout ce que j'avais était dans ces mines du Caucase où papa avait placé sa fortune. Quand ça a été pris par les bolcheviks, il a bien fallu vivre, n'est-ce pas? Comment aurions-nous fait? Avec le luxe auquel Armand était habitué, et 4 enfants à élever, tu sais, ça va vite les dettes. Il n'y avait donc qu'une solution, c'est que je me sacrifie. Et je me suis sacrifiée, voilà tout. Oui, pour tes enfants. Pardon, pour lui d'abord. Allons donc. Parfaitement. Et je n'ai fait que ce que je devais. Nous nous étions mariés parce qu'il était beau et que j'étais riche. J'étais devenue pauvre et il était toujours beau. Je n'avais qu'à disparaître. Magnifique. Et si tu veux tout savoir, c'est même moi qui lui ai conseillé de t'épouser. Vraiment? Oui. Je te voyais pâmer devant lui chaque fois que nous nous rencontrions. Je savais qu'il n'avait qu'un geste à faire pour que tu lui tombes dans les bras. Et c'est moi qui lui ai conseillé de le faire, ce geste. À cause de mes dollars, sans doute. Madame, pourquoi nous aurait-il épousé, moi d'abord, toi ensuite, si ce n'est pour cette raison-là? Charmant. Je dois ajouter, en plus, que si j'avais pensé que tu étais capable de faire son bonheur, j'aurais choisi quelqu'un d'autre. En tout cas, ce n'a pas été une mauvaise combinaison pour toi, il me semble. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, tu n'y as pas perdu. Tu n'aurais tout de même pas voulu qu'Armand laisse sa famille mourir de faim. Oh, pour ça, il ne l'a pas laissé mourir de faim, c'est carnet de chèque le prouve. Oh, comme c'est joli. Oh, comme c'est délicat, ce que tu viens de dire. Si tu trouves que c'est tellement délicat, ce que tu m'as dit, toi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Que Armand m'avait épousée pour mes dollars. Et après, t'as-t-il rendu heureuse, oui ou non? Oui, très heureuse. Eh bon, alors, de quoi te plains-tu? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu m'as parlé d'Armand. Ce n'est pas de lui dont il s'agit, mais de Philippe. Alors, comment as-tu su que Christina voulait divorcer? C'est Antoine qui me l'a dit l'autre jour aussi. Antoine? Oui. Mais comment l'a-t-il su? Par Christina, probablement. Et qu'est-ce qu'il a dit exactement, Antoine? Eh bien, voilà. Je venais d'arriver, j'avais rendez-vous avec la duchesse d'Olivares qui m'avait invitée pour prendre le thé. Tu as tort de prendre le thé avec la duchesse d'Olivares, je te l'ai déjà dit. Pourquoi? C'est une duchesse authentique. Son mari était même, paraît-il, Altesse Royale dans son pays. Oui, seulement elle, elle était cocotte ici. Continue. Alors, Antoine, pendant qu'il fait apporter la table, nous parlons un peu. Il me dit peut-être que Madame Leroy Gomez ferait bien de revenir. Je le regarde étonné, je lui demande pourquoi. Alors il me raconte qu'il y a eu des drames entre Christina et son mari, qu'elle est installée ici depuis deux... Ici? Christina est ici? Oui. Elle a quitté l'avenue d'Iéna? Naturellement. Tu es sûre? Et puisqu'Antoine me l'a dit. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite qu'elle était partie de chez elle? Mais je pensais que Philippe t'avait écrit. Oh non! Philippe n'écrit jamais. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais je n'aurai donc jamais un moment de tranquillité avec ces malheureux enfants. Quelle heure est-il? 11h15, pourquoi? Pour savoir si Antoine est arrivé. Tu veux lui parler? Oui, je veux qu'il me raconte ce qu'il sait. Allô? Passez-moi le restaurant, je vous prie. Et dire que c'est chaque fois la même chose quand je quitte Paris. Ah, c'est à croire qu'ils le font exprès. Allô, le restaurant? Pourriez-vous demander à Antoine s'il pouvait venir à l'appareil, s'il vous plaît, de la part de Madame Leroy Gomez? Oh, c'est vous, mon bon Antoine. Oui, oui, oui, très bien, merci. Dites-moi, Antoine, vous êtes déjà très pris, probablement, à cette heure-ci. Oui, bien sûr. C'est parce que j'aurais bien voulu causer un peu avec vous, si ça ne vous avait pas trop dérangé. Vous ne pourriez pas trouver le moyen de monter? Oh, eh bien, dès que vous le pourrez. Merci, Antoine. Et le numéro 102. C'est ça. À tout à l'heure. Il va monter? Oui. Quel dévouement. Oui, il m'aime bien, Antoine. Tu dois savoir ce que ça te coûte. Ah non, ça, tu n'y es pas du tout. Antoine n'a jamais reçu un sou de moi, ni de personne, d'ailleurs. Non seulement, tu sais, il y a 25 ans que je viens ici, alors pour lui, je fais un peu partie de la maison, tu comprends? Je comprends. Dis-moi, Clarisse, pendant que nous sommes seuls, je voudrais te parler d'une question un peu délicate. Oh ! Délicate, c'est pas le mot. Il ne peut rien y avoir de délicat entre nous, n'est-ce pas? Ce serait stupide. Je t'ai toujours considérée comme la seconde mère de mes enfants. Allons, bon, encore! Quoi encore? Oh, quand tu m'appelles la seconde mère de tes enfants, je sais ce que ça veut dire. Enfin, je t'ai donné un chèque de 20 000 francs il y a un mois. Ce n'est pas suffisant. Mais qu'est-ce que c'est que 20 000 francs à l'heure actuelle? Et on dirait que tu ne te rends pas compte de ce que coûte un séjour de 3 semaines à Biarritz. Surtout avec une femme comme la petite Freeman. Et Jimmy ne pouvait pas s'arranger toutes les fois pour ne pas se trouver là au moment des additions. Elle aurait fini par le remarquer. En tout cas, moi je trouve que j'ai suffisamment dépassé comme ça le chiffre de la pension. Arrange-toi comme tu voudras, mais ne compte pas sur moi. Bon, bon, entendu. Et puis pourquoi s'il dépense s'il y a du tirage avec les petites Freeman? Mais non, il n'y a pas de tirage. Seulement tu sais aussi bien que moi qu'avec les Américaines, les choses ne vont pas si vite que ça. J'ai jamais rien vu d'aussi méfiant que vous. Qu'est-ce que tu veux? En Amérique, un homme, ça sert à faire de l'argent pour sa femme. Ici, c'est tout le contraire. Elle n'a pas l'habitude. Oh, évidemment, avec des principes comme ceux-là. Enfin, elle aime ou elle ne l'aime pas. Mais naturellement, elle l'aime. Elle en est folle. Elle ne l'a pas quitté pendant les 3 semaines que nous avons passées là-bas. Le matin, ils faisaient du cheval ensemble, l'après-midi, le golf, ou bien elle l'emmenait dans sa voiture faire une excursion, et le soir, elle prétextait une migraine pour ne pas descendre de sa chambre et elle lui disait de venir dîner auprès de son lit, soi-disant pour lui tenir compagnie. Vraiment? Ah, elles n'ont pas froid aux yeux, tes compatriotes. Seulement ça, elle en a été pour ses frais. Je suis sûre de mon petit Jimmy. Et il n'a pas perdu la tête. Oh non, il est bien trop raisonnable pour ça. Alors, quand elle a vu qu'elle n'arrivait à rien par cette méthode, elle en a essayé une autre. Elle s'est fait faire la cour par un Italien qui habitait l'hôtel. Qui ça? Bon, une espèce de bellâtre, le marquis de Bella Rosa. Francesco, mais je le connais. Eh bien, tu as déjà les relations. Et quel effet ça a-t-il eu sur Jimmy? Oh, il ne s'est pas frappé pour ça. Il a trouvé que l'occasion était très bonne de lui donner une leçon et lui a annoncé qu'il revenait à Paris. En le laissant seul avec Francesco? Mmh. Oh. Quoi? C'est bien risqué. Oh, Jimmy est sûr qu'elle sera à Paris avant 8 jours. Il ne connaît pas les Américaines. Oh, mais il est incontestable que Jimmy est 100 fois mieux que ce Bella Rosa sous tous les rapports. Peut-être, mais il n'est pas marqué. Bonjour Clarisse, vous allez bien? Merci. Maman, je ne déjeunerai pas ici. Bien, mon chéri, où déjeunes-tu? Avec un camarade. Vous avez votre voiture en bas, Clarisse? Pourquoi? Je peux me faire conduire chez mon tailleur, je vous la renvoie tout de suite. Et tout de suite, alors? Je vous le promets. À bientôt. Au revoir, maman. Au revoir, mon chéri. Oh, au fait, tiens, voilà ce que je viens de recevoir. C'est de Dorothy? Oui. Allons, bon. Et qu'est-ce qui se passe? Tiens, lis. I'm leaving at noon, motoring down to Florence with Francesco. C'était sûr. Je t'avais dit de ne pas partir en laissant cet aventurier derrière toi. L'occasion était trop belle, il ne l'a pas manqué. Elle t'avait parlé de ce voyage à Florence? Non, c'est lui qui a arrangé ça, il est de Florence. Ah, il est de Florence. Oui, sa famille y habite. Mais alors, qui nous dit que ce n'est pas pour la présenter à sa famille qu'il l'emmène à Florence? Sois sûr, en tout cas, que c'est ce qu'elle a voulu me faire supposer en m'envoyant ce télégramme. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, tu vas répondre à ce télégramme, non? Sûrement pas. Ah, tu as tort. Voyons, maman, ou elle a vraiment l'intention de l'épouser, alors ma foi, tant pis qu'elle l'épouse. Ou elle a seulement envie de me faire marcher, et alors ça serait la dernière des bêtises de lui procurer ce plaisir. Ça recommencerait à la première occasion. Ne t'en fais pas, maman, tout finira par s'arranger. Oh oui, tu dis toujours ça, tu as toujours confiance, toi. Tu vois le résultat. Ah, écoute, maman, tu me feras la morale un autre jour, veux-tu? Aujourd'hui, on vient de rentrer, c'est vacances. Je peux bien souffler un peu, une fois par hasard. Tu n'es pas sérieux, mon enfant. Mais si, je suis sérieux. Allez, je me sauve. Au revoir, Clarisse, et merci pour la voiture. Ah, oh, ces enfants, quel tracas! Cette petite Freeman était juste ce qu'il lui fallait. Jolie, à peine plus âgée que lui, divorcée, donc pas de parents à consulter, ce qui vaut toujours mieux. Et 100 000 dollars à dépenser par an, ce qui ne gâte rien. Monsieur Antoine est là. Oh, qu'il entre! Bonjour, mon bon Antoine. Vous êtes bien gentil de vous être dérangé. Je vous en suis très reconnaissante. Mais ce n'est rien, madame. Bonjour, Antoine. Oh, madame Ligomez. Madame, excusez-moi si je n'ai pas pu venir plus tôt. Je n'avais pas fini les commandes pour demain avec le chef. Ça ne vous a pas trop gêné de monter? Non, madame, j'ai un petit moment de répit à cette heure-ci. Madame était contente de son séjour à Biarritz? Eh bien, pas plus que cela, Antoine. Oh, mais j'ai rencontré monsieur Jimmy en montant. Il avait très bonne mine. Oui, oh, celui-là, quand vous lui verrez mauvaise mine. Enfin, asseyez-vous, Antoine. Non, merci, madame, jamais. Et pourquoi ici, ce n'est pas comme en bas? Je ne pourrais pas, madame. Il y a 22 ans que je ne me suis pas assis. Vous devez être mort de fatigue le soir. Oh non, madame, non, je suis habitué. Alors, Antoine, vous devinez, n'est-ce pas, pourquoi j'ai voulu vous voir? C'est au sujet de monsieur et madame Philippe, peut-être? Naturellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, mon Dieu, madame. Oh, vous pouvez parler devant madame Ligomez. Elle est de la famille, comme vous savez. Bien sûr, madame. Alors, Christina est ici. Oui, madame, depuis une dizaine de jours, elle est au quatrième. Et son mari le sait. Ah oui, madame, elle l'a prévenue avant de partir. Et il n'a rien fait pour la retenir? Sans doute que non, madame. Du reste, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, d'après ce que j'ai compris. Madame Philippe n'en pouvait plus. Vraiment? Mais monsieur Philippe avait peut-être été un peu fort ces derniers temps. Ah, je lui dis souvent, monsieur Philippe, ce n'est pas sérieux. Un de ces jours, madame Philippe va se fâcher, et dame, il sera trop tard. Je ne me serais pas permis de parler comme ça à n'importe qui, mais enfin, monsieur Philippe a toujours été très gentil avec moi. Puis je l'ai connu si petit, n'est-ce pas? Et il ne vous écoutait pas, naturellement? Oh, il riait, il haussait les épaules. Il me répondait, qu'est-ce que vous voulez, Antoine, ce n'est pas ma faute. Elles ne veulent pas me laisser tranquille. Ce n'est jamais moi qui commence, reconnaissez-le. Et ça, c'est vrai, madame, il ne commençait jamais. Seulement, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. La plupart de ces dames n'attendent pas qu'on commence. Ma foi, non. Je faisais bien tout ce que je pouvais pour lui éviter des complications, mais je ne réussissais pas toujours. Souvent, quand il venait dîner avec madame Philippe et les amis, ou alors l'après-midi, au thé, il me faisait signe de venir lui parler. Il me disait, Antoine, qu'est-ce que c'est dans cette grande blonde là-bas qui me fait de l'œil depuis un moment? Ou alors, moi, je croyais bien faire, je lui répondais, ce n'est pas une femme pour vous, monsieur Philippe. Vous auriez des ennuis. Et ça, ce n'était pas toujours vrai, madame. Oh non, dans le nombre, il y avait des dames très comme il faut. Oh, évidemment, ici. Malheureusement, à la suite de cela, il a compris que je faisais exprès de lui donner de faux renseignements. Il m'en a plus demandé et c'est comme ça que tout est arrivé. Ah! Ah, si j'avais prévu ce qu'il attendait, certainement qu'il aurait mieux valu le laisser se distraire avec des femmes du monde. Ah, parce que ce n'est pas une femme du monde cette fois-ci. Oh non, madame. Et quel genre de femme est-ce? D'où sort-elle? J'ai entendu dire qu'elle avait été mannequin. Mannequin? Ah, mon Dieu! Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Ah, je crois qu'elle ne fait plus rien, madame. Enfin, de quoi vit-elle? Je ne sais pas trop, madame. Monsieur Philippe lui a loué un petit appartement à Passy. Comment il lui a loué? Oui, madame. Vous ne voulez pas dire qu'il l'entretient? Ah, si, madame. Antoine, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Oui, oui, madame. Il l'entretient? À ce qu'il paraît. Mais c'est pas possible, Antoine. Mais non, elle a quelqu'un d'autre. Oh, avec quel argent pourrait-il l'entretenir? Oh, madame, de l'argent, on en trouve. Où? Ce n'est tout de même pas sa femme qu'il est allé en demander. Non, madame. Et comme ils sont mariés sous le régime de la séparation, j'ai d'ailleurs assez dit à Philippe que c'était une folie d'accepter ça, tu te souviens? Enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors, Antoine, je vous le demande, où aurait-il trouvé cet argent? Madame doit bien comprendre que si quelqu'un comme monsieur Philippe demande un service, on ne peut pas lui refuser. C'est à vous qu'il a emprunté? C'est un détail sans importance, ça, madame. C'est vrai? Il ne faut même pas que madame aille lui en parler, surtout. Mon Dieu, le pauvre enfant, voilà où il en est. Oh, il faut qu'il soit devenu fou, c'est la seule explication possible. Et sa femme est au courant de tout ça? Malheureusement, oui, madame. Elle vous l'a dit? Et oui, madame, c'est pour ça qu'elle est partie. Entre nous, je la comprends. Et comment l'a-t-elle su? Oh, pas. Une lettre anonyme, probablement. Oh, non, madame, non, je ne pense pas. Vous ne lui avez pas demandé comment elle l'avait appris? Ne serait pas permis de l'interroger, madame. Et vous n'avez aucune idée? Bah, je ne suis sûr de rien, mais peut-être que quelqu'un avait intérêt à la prévenir. Mais qui? Ah, bah, je ne sais pas, madame, quelqu'un, par exemple, qui ne tiendrait pas à ce que les choses aillent trop bien entre elle et monsieur Philippe. Un homme qui serait amoureux d'elle? Quelque chose comme ça, oui, madame. Ou plutôt qui aurait envie de l'épouser. Oui, madame. Qui y a-t-il autour d'elle? Oh, Ils sont plusieurs, madame. Attendez, mais qui avait-elle dans l'autre jour à sa table, la petite chose là, Doudou Callison? Ah oui, mais ce n'est pas ça, madame, non. Monsieur Callison a une grosse fortune. C'est vrai. Et cet anglais un peu chauve là, qui a tellement de chic, Stanley Gordon. Ah oui. Non, ce n'est pas ça non plus. Oh, on les voit très souvent ensemble. Oh, oui, madame, mais jamais seule. Madame Philippe est toujours très entourée. Elle se plaît dans la société des jeunes gens. Monsieur Gordon aussi, c'est pour ça. Ah, je ne savais pas. Ah, si, madame. Alors, qui, Antoine? Mais je crois qu'il faudrait plutôt chercher du côté d'un de ces messieurs, comme monsieur Carlos Pinto, par exemple. Le beau Carlos, peut-être. Non, pas peut-être. Sûrement. Ne cherchez plus, ce n'est pas la peine, je suis fixée. Mais naturellement! Il ne se quittait pas il y a 3 ans à Biarritz. Il a failli avoir une jaunisse quand il a su qu'elle était fiancée à Philippe. Il espère prendre sa revanche, pardi. On m'avait dit que Mrs. Guest l'avait emmenée à New York. Ah oui, madame, mais il est revenu. Elle en a eu assez là-bas. Ah non, c'est lui qui n'a pas voulu rester quand il a compris. Et compris quoi? Qu'elle ne l'épouserait pas. Elle devait l'épouser? Ah oui, toujours. Mrs. Girth promet toujours le mariage. Mais pourquoi fait-elle ça? Oh, sans doute pour qu'on soit plus gentil avec elle. Elle n'est plus toute jeune, n'est-ce pas? Alors si ce n'était pas pour le mariage, elle trouverait moins d'occasion. Ah, voilà. Carlos Pinto. Eh bien, elle peut dire qu'elle est tombée dans de jolies mains. Oh! Mais je ne laisserai pas ma petite Christina livrée aux entreprises de cet aventurier. Halte là, mon bonhomme. Ha ha, ce serait un peu fort, par exemple. Nous n'avons pas gagné la guerre pour laisser tous ces métèques venir nous voler nos filles. Nos belles filles? C'est la même chose. Dites-moi, Antoine, il la voit souvent? Ah, encore assez, oui, madame. Habituellement, ils prennent le thé ensemble, mais souvent aussi, il vient dîner. Non, mais je veux dire, il la voit chez elle, enfin. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans les étages, madame. Je vous demande pardon. Excusez-moi, Antoine. Ce n'est rien, madame. Écoutez, Antoine, il faut absolument que je lui parle. À monsieur Pinto? Non, pas à monsieur Pinto, à Christina. Vous ne pourriez pas aller lui dire que je suis là et que je la supplie de descendre un instant? Je veux bien l'essayer, mais je ne sais pas si elle voudra. Dites-lui que je suis arrivée de Biarritz il y a quelques heures, que j'ai appris avec une grande tristesse ce qui s'est passé, que je suis profondément bouleversée, qu'elle sait combien je l'aime, combien je lui ai toujours été très attachée. Madame, ne préférez pas lui écrire un petit mot? Ah non, je ne peux pas, je suis trop énervée. Mais je compte sur vous, Antoine, sur votre éloquence. Je suis sûre que vous saurez la persuader de venir. Vous voulez bien? Je ferai ce que je pourrai, madame. Oh, merci, Antoine, merci. Ce n'est rien, madame. Tu préfères sans doute que je te laisse. Oui, il vaut mieux que Christina me trouve seule quand elle arrivera. Tu m'excuses. Naturellement. Au revoir, Isabelle. Au revoir, Clarisse. Ah, j'aurais voulu te demander ton avis pour un dîner que je donne le 18. Oui, ben, si tu veux bien, nous reparlerons de cela une autre fois. Bien, mais je compte sur toi naturellement ce soir-là. Non, merci. Mais tu ne parles pas sérieusement? Moi, tu n'as pas besoin de moi, voyons. Mais comment je n'ai pas besoin de toi? Mais tu sais bien que si. Mais non, je t'assure. Mais j'ai trop de soucis en ce moment. Jimmy qui ne se marie pas, Philippe qui peut me retomber sur les bras d'un jour à l'autre. Pas un sou à la banque. Non, sincèrement, ne compte pas sur moi. Alors, combien te faut-il? Mais non, c'est pas la peine. Veux-tu répondre? Eh bien, la même chose que la dernière fois, si ça ne te gêne pas. Tu n'y vas pas de main morte à la bonne heure. Je te ferai remarquer que c'est toi qui as insisté. Moi, je ne t'en aurais jamais reparlé, crois-le bien. Je t'enverrai un chèque. Mais tu viendras à ce dîner, n'est-ce pas? Puisque ça te fait plaisir. Entrez. Alors? Je suis mal tombé. Pourquoi? Monsieur Pinto était là. Allons, bon. J'avais bien remarqué que la porte était ouverte sur la chambre, je ne pensais pas qu'il était, il a tout entendu. Alors? Oh, il est arrivé comme un fou en roulant des yeux terribles, il m'a dit que j'étais un traître, et puis ils ont commencé à parler espagnol. Et elle? J'ai compris qu'il essayait de le calmer, mais il était dans un tel état, on l'entendait jusque dans l'escalier. Oh, la pauvre petite, Dans quelle griffe elle est tombée? Ah, décidément, il était temps que j'arrive. Je m'en vais retourner là-haut, voir un peu si ça te calme. Le Maharaja d'Anjar à l'appartement juste à côté, il finirait par se plaindre. Oh, je suis bien désolée de vous causer tous ces ennuis, Antoine. Ce n'est pas la faute de madame, seulement il ne faudrait pas qu'il se mette à faire du bruit comme ça, monsieur Pinto. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Hein? Crois-tu? Quel toupet! Oh, oh! Il se croit déjà le maître, ma parole. Cette fois-ci, je te laisse. Au revoir, ma bonne Clarisse, et merci pour le chèque. Je téléphonerai pour avoir les nouvelles. C'est ça, c'est ça. Ah, tu arrives bien, toi. Qui est-ce? C'est Philippe. Oui, ta mère est là, elle t'attend. Entre! Bonjour, maman. Bonjour. Je te préviens que j'attends ta femme. Ah. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Je lui ai demandé de venir parce que j'ai à lui parler. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ça me regarde. Ah bon. Dis-moi, est-ce que tu es devenu complètement fou? Mais pourquoi? Ah, n'essaie pas de me raconter d'histoire, je suis au courant de tout. Écoute, maman, j'aime mieux te prévenir tout de suite, j'aime Luba. Ah, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Eh bien, tu me feras le plaisir de ne jamais me parler de cette personne, tu m'as comprise? Bien. Qu'est-ce que c'est que ce nom-là, Luba? C'est un prénom. Et son nom? Elle n'en a pas, probablement. Oh, il ne te dirait rien. Oh, ça, je m'en doute. Alors voilà tout ce que tu as trouvé, un mannequin. Et c'est pour une créature de cette espèce que tu as abandonné ta femme et détruit ton foyer. Je n'ai pas abandonné Christina, c'est elle qui est partie. Oh, naturellement, elle est partie, la malheureuse, après tout ce que tu lui faisais subir. Qu'est-ce qu'il aurait retenu? Puisque tu n'as même pas su t'arranger pour avoir un enfant. Je te l'avais dit, ça, tu te rappelles. C'est la précaution la plus élémentaire à prendre dans ces cas-là. Mais non, monsieur n'a voulu en faire qu'à sa tête. Tu vois le résultat. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai jamais eu de disposition pour la vie de famille, moi. Mais, eh ben, tu sais ce qui se prépare en ce moment? Quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de prendre ta place, tout simplement. C'était à prévoir. Et tu sais qui c'est? Carlos, je suppose. Parfaitement. Oui, je l'avais toujours pensé. C'est tout l'effet que ça te fait? Oh, que ce soit lui ou un autre. Enfin, tu ne vas pas laisser cet individu te prendre ta femme, tout de même. Mais s'il peut la rendre heureuse, je ne lui souhaite pas de mal, moi. Voilà où tu en es. Je lui dis qu'un homme est en train de séduire sa femme, qu'il est peut-être déjà son amant. Et tout ce qu'il trouve à me répondre, c'est « je ne lui veux pas de mal ». Mais enfin, puisque j'aime Luba. Mais où ça te mènera-t-il d'aimer Luba, malheureux enfant? Entrez. Madame Philippe descend, madame. Bonjour, Antoine. Bonjour, monsieur. Pas diable. Quoi? Madame Philippe ne comptait pas trouver monsieur ici? Oh, mais naturellement, il ne faut pas qu'elle le trouve. File à côté dans ma chambre, toi, vite. Je viendrai te prévenir dès qu'elle sera partie. Oui, hein? Mais maman... Quoi? Je te rappelle que j'aime... Oh, laisse-moi tranquille avec ta loupe. Madame Philippe, madame. Oh, señora Antoine. Je vous en prie de monter pour l'empêcher de faire des bêtises. Il est fou, vous savez, il est fou. Dites-lui qu'il reste tranquille, je le monte dans 5 minutes. Vous pouvez bien me faire cette faveur, Antoine, n'est-ce pas? Mais j'y vais, madame. Que je vous remercie. Ce n'est rien, madame. Excusez-moi, signora. Christina. Ma chère petite, j'ai beaucoup de peine. Ah non, señora, il ne faut pas pleurer. Autrement, je pleure aussi et le rimmel, il va couler dans les cieux. Bon. Je ne pleurerai pas, je vous le promets. Asseyez-vous là, près de moi. Et causons bien tranquillement. Oh, vous ne pouvez savoir combien je suis désolée de tout ce qui arrive, ma chère petite. Et que voulez-vous pour moi non plus, ce n'est pas gai, toutes ces complications. Enfin, c'est un affreux malentendu qui va cesser, Christina. Cesser? Mais que dites-vous? Vous ne savez pas que Philippe, il a une maîtresse depuis 3 mois, que c'est un véritable scandale? Oh, quelle preuve en avez-vous? Mais lui-même, il me l'a dit. Et savez-vous s'il n'avait pas une raison pour vous le dire? Une raison? Savez-vous s'il ne l'a pas fait exprès, justement, pour vous rendre jalouse, pour vous inquiéter un peu? Mais non! Que barbaridade! Eh bien, je vous affirme que si, moi. Il l'a fait parce qu'il s'était rendu compte depuis quelque temps que vous vous étiez éloigné de lui parce que il était tourmenté par certaines choses qu'il avait remarquées. Voilà. Et pourquoi il n'aurait pas dit à moi s'il avait remarqué? Vous savez bien que Philippe se ferait couper la langue plutôt que d'avouer qu'il est jaloux. Mais qu'est-ce que vous dites? Il n'est pas jaloux du tout. Oh, comme vous le connaissez mal. Mais il est jaloux comme un tigre. Mais pas de moi. Mais si, de vous. Oh, oh. Et bénissez le ciel qu'il ne se soit pas rendu compte de l'intimité avec laquelle vous recevez certaines personnes. Seigneur, je sais, je sais qu'il n'y a entre ce monsieur et vous que des relations de pure camaraderie. Oh, je vous connais trop pour en douter, ma chère petite. Mais vous vous trompez, signora. Comment? Ce n'est pas une camaraderie entre Carlos et moi. N'allez pas me dire qu'il est votre amant, je ne vous croirai pas. Et pourtant, je vous le dis, signora. Eh bien, je ne vous crois pas, là. Eh bien, je vous le jure sur la tête de ma mère. Vous auriez pu au moins me le laisser ignorer. Vous faites mieux de dire la vérité. Vous vous êtes laissé séduire par cet individu, vous? Oh! Ah, signora, permettez que je le dise. Quand j'ai quitté l'appartement, depuis 3 mois, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais un mari. Alors que voulez-vous? Moi, je ne suis pas une statue. Carlos, il était toujours très gentil. Il venait me voir tous les jours, il m'aimait. Il vous aimait? Alors... Oh, laissez-moi sourire. Oh, il faut être bien naïve pour croire à l'amour de Monsieur Pinto. Et pourquoi je n'y croirais pas? Est-ce que je n'ai pas cru à l'amour de Philippe il y a 300? Vous n'allez pas comparer l'amour de Philippe avec celui d'un individu de cette espèce, un aventurier sans moralité. Ah, vous ne devez pas parler ainsi de Carlos, signora. Ça, je ne permets pas. Mais renseignez-vous, vous verrez. Allons, Christina, qu'est-ce que c'est que Monsieur Pinto? Rendez-vous compte. Bon, revenez à vous, ma chère enfant. Vous avez été imprudente. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences d'un geste regrettable. Oh, je veux bien admettre qu'il y a un peu de la faute de Philippe. Il a été maladroit. Il a cru bien faire, mais il a été maladroit. Oh. Pauvre Philippe, il vous aime tant. Mais il ne m'aime pas, signora. Si vous l'aviez vu tout à l'heure, si désemparé. Il est venu tout à l'heure? Oui. Et j'aurais voulu que vous puissiez entendre, tenez, la façon dont il parle de vous. Oh, le malheureux, s'il savait. Mais il sait. Lui? Sûrement, il sait. Oh, heureusement qu'il n'a pas le plus petit soupçon. Sinon, je ne donnerais guère de la peau de Monsieur Pinto à l'heure actuelle. Heureusement, il n'a pas le plus petit soupçon. Alors dites-lui, signora. Que je lui dise? Ah ouais? Mais vous êtes folle. Je voudrais voir qu'est-ce qu'il fera. Mais s'il arrive un malheur? Il n'arrivera pas des malheurs, signora. Je serai là, j'empêcherai. Et du moins, je saurai s'il m'aime à moi. Ah non, Christina. Je ne ferai jamais une chose pareille, c'est trop grave. Monsieur Carlos, c'est pas possible. Je vous dis que je vais entrer. Soyez raisonnable, monsieur Carlos. Je suis raisonnable, je vais entrer. Carlos, c'est à cela encore. Me promettiste 5 minutes. Il y a fait más de 20, perdóname, pero ha sido más fuerte que yo. Es una corbadiera et tu partes depuis où te retires. Mais iré à la condition que vengas conmigo. Monsieur, je suis ici chez moi et je vous prie de sortir. Excusez-moi, mais madame est ma fiancée. Oh! Votre fiancée? Ma fiancée, oui, madame. Et j'ai vu qu'elle s'en aille d'ici. Ah, vous avez une certaine audace, par exemple. Signora, c'est mieux que je m'en aille. Christina, je vous prie de rester. Madame est ma belle-fille, monsieur. Et je n'ai pas fini de lui parler. Alors, j'ai le droit d'écouter. Vous n'avez qu'un droit, celui de disparaître. Antoine, soyez assez bon pour faire sortir monsieur. Non, monsieur Cardo, vous voyez bien que vous ne pouvez pas rester ici. Je resterai tant que madame, elle restera. Antoine, vous tolérez une chose pareille? Je fais ce que je peux, madame. Monsieur Cardo, je vous prie de vous retirer. Je regrette, mais je ne me retire pas. Ah, prenez garde. Je vous préviens que mon fils est dans la chambre à côté. Philippe, il est là? Oui, il est là. Oh, je ne veux pas le voir. Rassurez-vous, il m'a promis de ne pas entrer. Mais je conseille à monsieur de ne pas mettre plus longtemps sa patience à l'épreuve. Autrement, je ne réponds de rien. Mais qu'il a entré, je peux avoir une explication avec lui. Pas ici, monsieur Carlos, en dehors de l'hôtel tant que vous voudrez, mais pas ici. Je vous dis que je l'attends. Vous pourriez payer cher votre imprudence. La promesse qu'il m'a faite de ne pas entrer l'a retenue jusqu'à présent, mais à votre place, je ne tenterai pas le sort plus longtemps. Caray, est-ce qu'il va venir? Il a pu discuter mieux avec nous, monsieur Carlos. Laissez-moi, je vous dis de me laisser. Marcio contigo. Tu vienes? Mais oui, elle vient, elle vient, elle vient. Parlo dos palabras con la signora y vengo. Me lo juras? Mais oui, elle le jure. Te lo juro por mi madre. Mais viens, viens, allez. Allez, monsieur. Mira que cobarda, metti il miedo. Signora, vous ne direz plus que Philippe. Il m'aime encore, eh? Mais ma chère enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? passe. Bonjour, Christina, mais pourquoi emmène-t-on Carlos? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, je te raconterai. Dites, Signora, que répondez-vous? Ce que je réponds? Eh bien, que Philippe n'a jamais été là. C'est une histoire que j'ai inventée pour faire partir cet énergumène. Philippe, il n'est pas là. Mais non, voyons, il est parti depuis longtemps. Signora, la vérité, je vous en prie. Mais je vous l'ai dite, ma chère enfant. Entrez. Si madame ne voulait pas trop tarder à venir parce qu'il recommence à s'énerver. Antoine, dites-moi si c'est vrai. Quoi donc, madame? Que Philippe, il n'a jamais été là et que la signora, elle a simplement dit ça pour que Carlos, il s'en aille. J'ai toujours pensé que si monsieur Philippe avait été là, il serait entré, madame. Vous voyez? Signora, permettez qu'Antoine il aille voir. Il faut que je sache, c'est très important. Mais, certainement. Allez, Antoine. Allez. Je vous en prie. Il n'y a personne, madame. Oh, je préfère. Merci, Antoine. Ce n'est rien, madame. Christina, viens. Merci, Antoine. Ce n'est rien, madame. Madame, prendront du café? No coffee. Liquors? Two brandies. And cigars. Very well, sir. Cuánto tiempo pensas hacer sonrisas con tu ex-suegra? Combien de fois je t'ai dit de parler français? N'est pas utile que tout le monde ici comprenne ce que tu dis. Tu veux m'empêcher de saluer ma belle-mère quand moi je passe à côté? La saluer, tu peux, mais que tu souris est inutile. Est-ce que moi je t'empêche de sourire avec Lily? Moi, j'ai souri avec Lily. Pendant tout le dîner qu'elle t'a fait de l'œil. Pas une fois que je l'ai regardée. Oh, bah, tu peux la regarder tant que tu veux, mais moi je veux dire bonjour à ma belle-mère, si cela me plaît. Alors, quand nous serons mariés, tu vas continuer. Quand nous serons mariés, je verrai. Je me demande un peu quand est-ce que nous serons mariés. C'est nécessaire d'abord que je sois divorcée, non? Divorcée, tu serais si tu le voulais. Hein? Je t'ai déjà dit que Philippe, il a refusé. N'est pas vrai. N'est pas vrai? N'a pas refusé. Pour la raison que ne lui a pas été demandé. Qui te l'a dit? La oué me l'a dit. Tu lui as demandé? Si. Quand? Ce matin. Que tu peux tiennes? Bueno, importaba que yo supiera. Bueno, está bien. Monsieur et madame prendront du café? Oui. Pour moi, un tilleul. Ah, désolé. Non. Tu dois comprendre que c'est une situation que moi je ne peux plus y rester. Tu veux me dire qu'est-ce qui va changer si moi je t'épouse? Mais tout va changer. Alors moi, je ne serai plus le chicolo, je serai le mari comme les autres. Le chicolo, je ne fais plus être. De ça, j'ai déjà trop souffert dans le passé. Moi, je n'ai pas été élevé à ça, hein. Quand je pense à ma pauvre mère, qu'elle est là-bas à Lima, et que je ne l'ai pas vue depuis 5 ans, et que tu m'avais promis que nous irions la voir tous les deux, hein? Est-ce que je te l'ai promis, nous irons? C'est bien entendu que nous allons nous marier avant. Pourquoi? Christina, est-ce que tu te figures que je n'ai pas allé voir ma mère avec toi sans être mariée? Et pourquoi non? Et pourquoi non? Alors, c'est vrai que tu ne connais pas ma mère, hein? Serait mieux pour elle de me voir mort que vivant dans les concubinages. Dans ce cas, c'est peut-être très mieux de nous quitter. Tu vas me quitter? Tu vas me quitter? Si tous les jours tu dois me fatiguer avec ces questions du mariage, alors sûrement que je vais te quitter.

Bien, j'ai idée, oui, madame la comtesse. Ah, alors vous pensez que pour l'instant, il est inutile de... C'est peut-être un peu tôt, madame la comtesse. En effet, c'est encore un peu tôt. Vous avez raison, Antoine. Comme toujours, d'ailleurs. Oh, madame la comtesse. Morne soirée, Antoine. Morne soirée. Oui, ce soir, c'est un peu mort. Oh, bonsoir. Bonsoir. Voici autre chose. Oh, mais dites donc, il est très bien, ce petit-là. Qui est-ce? Monsieur Jimmy Leroy Gomez. C'est le beau-frère de cette dame en face. C'est un nouveau? Monsieur Jimmy, oh non, madame la comtesse. Il était ici l'année dernière? C'est-à-dire qu'il n'habitait pas l'hôtel, mais il y venait souvent. Comment se fait-il que je ne l'ai pas remarqué? Madame la comtesse était peut-être trop absorbée l'année dernière. Ah, ça c'est vrai, j'étais absorbée. Comme vous dites, Antoine, oui. Terriblement absorbée. Pour en revenir à ce monsieur, comment l'appelez-vous? Jimmy? Jimmy Leroy Gomez, madame la comtesse. Il habite ici. Pour l'instant, oui, madame la comtesse. Seul? Ah non, madame la comtesse. Naturellement. Avec sa mère. Il a une mère? Ah oui, madame. Mais comme c'est gentil. Oui, oui. Il est très surveillé. Mais elle n'est pas toujours là, sa mère. Non seulement il est assez question d'un mariage avec une dame américaine. Allons bon, lui aussi, mais ouais. Qu'est-ce qu'ils en ont tous, enfin? Je ferais aussi bien d'aller retrouver le comte à Vichy, moi. Ce serait dommage, même la comtesse vient à peine d'arriver. Il faut avoir un peu de patience. Jean-Antoine, on vous demande à la réception. Bon, c'est bien, j'y vais. Madame la comtesse, m'excuse. Faites. Je vais voir un peu ce qu'il y a au bar. Eh bien, c'est ça, madame la comtesse, c'est ça. N'est-ce pas, Christina? Au bal? Au bal de l'Interallier. Mais non. Mais comment? Mais il faut absolument que vous veniez. Et vous aussi, Carlos. Mais nous n'avons pas reçu d'invitation. Eh bien, je vous invite, moi. Maman est du comité, ce serait malheureux que je ne puisse pas inviter qui je veux. Oh, ce sera très bien, vous verrez, il y aura tout Paris. Alors vous venez, n'est-ce pas? Que dis-tu, Carlos? Je dis que je dois rentrer à la maison pour me changer. Pourquoi je dois mettre mon smoking? Mais moi aussi, je dois me changer. Ah ben, vous ne savez pas? Pendant que Christina va monter s'habiller, moi, je vous conduis jusque chez vous, je vous attends en bas, puis nous repassons la chercher. Ça va comme ça? Et je peux te demander un taxi. Mais pourquoi? Puisque j'ai ma voiture qui attend à la porte. Ah oui, va, Carlos. Alors, je vous remercie. Tiens, mettons-nous là. Ça va recommencer les sourires? De quand même pas. Maman, ne m'attendez pas pour partir. Je vais de mon côté avec Christina et Carlos. Comment? Elle emmène ce Carlos? Elle aurait pu au moins me demander mon avis. Je suis très contente que Christina vienne, mais lui... Tiens, voilà Manuel. Bonsoir, mon grand. Bonsoir, maman, je ne suis pas en retard. Non, non, il suffit que nous arrivions là-bas vers 11h. J'ai une visite avant le dîner. Ah oui, qui ça, mon grand? Philippe. Tiens, nous aussi, n'est-ce pas, Clarisse? Oui, et ta sœur également. Il a fait la tournée complète, alors. Ah, oui. Il venait aussi t'emprunter de l'argent? Oui. J'espère que tu as refusé. Ah, et pour cause, tu sais combien il voulait? 30 000 francs. Parfaitement. Ah oui, oh. Il a demandé la même chose à tout le monde. Et tu sais pourquoi? Oh, il m'a raconté une histoire d'automobile à laquelle je n'ai rien compris. D'ailleurs, comme j'étais bien décidée à ne rien lui donner... Il prétend qu'il lui faut ses 30 000 francs pour empêcher sa Louba d'être arrêtée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, on l'avait chargée de vendre une Hispano. Elle a commencé par partir dedans avec Philippe pour aller passer la Pentecôte à Deauville. Oh, charmant. Il a accepté ça, lui? Oui, là-bas, elle se fait avancer 30 000 francs dessus en disant qu'elle veut la vendre. Oh, bravo. Elle se précipite au casino avec les 30 billets. Je vois la suite. Naturellement, elle perd, alors obligée de laisser l'auto en gage là-dessus. Enquête, drame, enfin bref. Si l'auto n'est pas rapporté demain, une plainte est déposée et l'on fait coffrer Mademoiselle Louba. Voilà. Eh bien qu'on la dépose, cette plainte. Quand il sera débarrassé de cette créature, Philippe consentira peut-être à revenir à sa femme. Elle est sur une mauvaise pente, ton fils, y a pas à dire. Non, mais qu'est-ce que vous dites de cette idée de venir me demander 30 000 francs à moi? À moi? Parce que j'ai l'air d'un homme qui a 30 000 francs à prêter. Oh ça, non, tu n'en as pas l'air. Tiens, bonsoir, monsieur Manuel. Bonsoir, Antoine. Madame sait que Mrs. Primal est arrivée. Dorothy? Non, mais quand? Il y a du moment, elle vient de Florence en auto. Ah ah, qu'est-ce que tu dis de ça? Elle est seule? Oui, madame. Pas de Bella Rosa, vous êtes sûre? Non, non, madame, elle est toute seule. Eh bien, tu vois, elle est tout de même revenue. Où est-elle? Elle est montée à son appartement, elle était un peu fatiguée. Mais quand je lui ai dit que madame et monsieur Jimmy étaient là, elle a dit qu'elle allait venir. Tu as entendu? Oh, merci, mon bon Antoine. Ce n'est rien, madame. Il faut tout de suite prévenir Jimmy, où est-il? Où veux-tu qu'il soit? Avec Nicole, naturellement. Oh, Manuel, mon grand, sois gentil. Va le chercher, ils doivent être en train de danser. Mais ne lui dis rien, surtout, je veux lui faire la surprise. Eh bien, c'est tout de même Jimmy qui avait raison. Pas si vite, attendons. En tout cas, elle n'épouse pas Bella Rosa. Ce n'est pas sûr. Bon, si elle l'épousait, elle ne serait pas venue ici sans lui, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Devine qui est arrivé. Qui? Dorothy. Ah oui? Ben, c'est tout l'effet que ça te fait. Oh, tu sais, je m'y attendais. Mais enfin, tu es content. Oui, naturellement. Oh, il faut absolument qu'elle vienne au bal. Eh bien, il n'y a qu'à lui proposer. Et Nicole? Ah, c'est vrai, ça. Oh, tu vois l'inconvénient d'avoir amené cette petite ici ce soir. Qu'est-ce que tu vas en faire, maintenant? Ne t'en fais pas, maman, tout ça s'arrangera très bien. Tu n'as pas l'intention de continuer ce flirt ridicule devant Dorothy, j'espère. Dis, maman, tu veux me laisser faire à mon idée? Et n'oublie pas que Dorothy est américaine. Et après? Elle est tout de même revenue, toute américaine qu'elle est. Ça, il a raison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle voulait, ta mère? Dorothy vient d'arriver. Oh! Comme tu sais, il fallait s'y attendre, les vacances sont finies, voilà tout. Elles n'ont pas été longues, les vacances. Bon, un mois, c'est tout de même mieux que rien, non? Mais c'est fini, fini, tu es sûr? Comment veux-tu que je te dise? Je n'en sais rien, ça dépend comment les choses vont tourner. Oh, comme je voudrais qu'elles tournent mal. À quoi ça t'avancerait-il? Si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Il faudra toujours que je me marie, n'est-ce pas? Que veux-tu, c'est la vie, ma pauvre chérie, la chienne de vie. Ce serait trop beau si on pouvait épouser la femme qu'on aime. Mais enfin, ce n'est pas tellement pressé. Oh, un peu plus tôt, un peu plus tard. Alors il faut que je m'en aille, probablement. Mais non, pas du tout. Mais moi, je préférerais rentrer. Tu es folle, tu vas venir à ce bal, n'est-ce pas? Elle n'ira pas, elle? Je pense que si, mais ce n'est pas une raison. Alors laisse-moi rentrer, Jimmy. Je te demande de rester. Mais pourquoi faire? Pour la rendre jalouse? Ah, la voilà. Bonsoir, Dorothy. Bonsoir. Oh, je suis si contente que vous soyez revenue. Bonsoir. Good evening. Vous avez fait un bon voyage. Oh, excellent, merci. Have a good time over there? Oh, lovely. Hello, Jimmy. Hello, Dot. How are you? Fine, thank you. Et le cher Francisco, comment va-t-il? Oh, très, très bien. Elle vous envoie ses amitiés. Merci. Vous connaissez Nicole? Je n'ai pas ce plaisir. Nicole Martin, une amie de ma sœur, Dorothy Freeman. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Nicole et moi? Oh oui, c'est presque une amie d'enfance. N'est-ce pas, Nicole? Oui. Oh, Nicole, tu entends notre air? Tu veux qu'on le danse? Si tu veux. Vous nous excusez, Dot? Mais comment donc? À tout à l'heure. Peut-être. Je suis si contente que vous soyez revenue. Vous me manquiez beaucoup, vous savez. Oh, vraiment? Vraiment, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. Merci. Comme ça a été gentil, notre petit séjour à Biarritz, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, cette Nicole? Oh, c'est une amie de ma fille, de Lily. Qu'est-ce qu'il y a entre elle et Jimmy? Oh, pas grand-chose, un petit flirt, probablement. Est-ce qu'il est amoureux d'elle? Oh oui, mais pas sérieusement. Et elle? Oh, elle. Elle en est folle, naturellement, la pauvre petite. Alors pourquoi il ne l'épouse pas? Parce qu'elle n'a rien. Rien de ce qu'il faut pour le rendre heureux. Et moi, je ne songe qu'à son bonheur, vous pensez? Et pourtant, quel mari ce serait? Ah, mais ça, pour le savoir, il faut le connaître comme moi. Est-ce qu'elle n'est pas un peu jeune pour se marier? Jimmy? Il a seulement 24 ans, non? Mais il est tellement plus vieux que son âge. Il a les goûts d'un homme de 40 ans. Oh, vraiment? Ah, je vous assure. Alors, c'est trop vieux pour se marier. J'exagère peut-être un peu. Mettons 35, si vous voulez. Ah, son rêve, il me l'a dit souvent. Ce serait de vivre en voyant le moins de gens possible entre sa femme et ses enfants. Des enfants? Oh, Oh, mais pas tout de suite, naturellement. Pas tout de suite. Plus tard, quand ils auraient eu le temps de s'amuser un peu, de voyager. Ah, ça, Jimmy adore les voyages. S'il avait voyagé autant que moi, il adorerait plus. Quand je dis qu'il adore, ce n'est pas une idée fixe chez lui. À vrai dire, il y a surtout un pays qu'il tente, c'est l'Amérique. Ah, ça, quand il parle de l'Amérique. Je crois que ce serait dangereux d'emmener Jimmy en Amérique. Dangereux? Il y a beaucoup de jolies femmes en Amérique. Ah, ça, alors vous ne le connaissez pas. Quand Jimmy sera marié, aucune autre femme n'existera plus pour lui. Ça, je peux vous le dire. J'en doute. Vous ne me croyez pas? On peut seulement juger avec ce qu'on voit. Ah, je suis sûre que c'est ce petit flirt avec Nicole qui vous inquiète. Moi? Oh non, madame, pas du tout. Elle m'inquiéterait sans doute si j'avais dans l'idée d'épouser Jimmy, mais... Mais ça ne compte pas, voyons. Je vous demande pardon. Je trouve que ça compte, moi. Alors, savez-vous ce que je ferais si j'étais à votre place? Je lui dirais que je trouve cette histoire stupide et que vous avez mieux à faire tous les deux que de vous disputer à propos de cette petite. Mais puisque je... Et puis vous venez avec nous au bal de l'Interallié, n'est-ce pas? C'est au profit de mon œuvre. Malheureusement, je ne pourrai pas aller à ce bal. Oh, qu'est-ce que vous dites? Je suis un peu fatiguée. Je préfère de me reposer. Oh non, Dorothy, vous n'allez pas faire ça. Si, si, je vous assure, c'est mieux ainsi. Mais... Bonsoir. Dorothy. Vous pourrez peut-être dire bonsoir à Jimmy pour moi. Je ne voudrais pas le déranger. Good night. Good night. Va tout de suite chercher Jimmy, toi. Et tu vois ce que je t'avais dit, ces choses-là ne prennent pas avec une Américaine. Vous savez qu'il est 11 heures passées. Jimmy, viens ici. Ah, tu en fais de belle, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a que Dorothy est furieuse de la façon dont tu viens d'agir avec elle et qu'elle ne veut plus aller au bal. Oh, je vais arranger ça, ne t'en fais pas. Oui, bah tu feras bien d'être un peu gentil si tu veux la décider. Mais oui, mais oui. Ça n'y compte pas, on ne fait pas changer d'avis. Ah, une Américaine, oui, je sais, c'est entendu. Manuel, mon grand, sois gentil, va chercher mon manteau. Je tiens à vous dire, madame, que c'est Jimmy qui a tenu à ce que nous allions danser. Vous auriez dû ne pas accepter, ma chère enfant, et l'empêcher de faire des choses qui risquent de compromettre son avenir. Oh bien ça alors! Voilà une demi-heure que je le supplie de me laisser partir et qu'il ne me le permet pas. Il fallait être plus raisonnable que lui et vous passer de sa permission, voilà tout. Ah, eh bien! Partez devant, je vous rejoindrai. Oui, mais est-ce qu'elle vient, Dorothy? Mais oui! Attends un instant, il faut que je te parle. Eh bien! Eh bien quoi? Ça t'ennuie qu'elle vienne, hein? Avoue-le. Moi, je suis enchantée, mais ça prouve que ça n'est pas une vraie Américaine. Écoute, Nicole, je t'avais demandé tout à l'heure de venir à ce bal, mais maintenant... Maintenant, il ne faut plus que je vienne. Que veux-tu? Elle n'a accepté d'y aller que si tu n'y allais pas. Ou bien tant mieux, j'aime autant ça. Tu veux que je te mette dans un taxi? Oh non, merci, ne t'occupe pas de moi. Tu m'en veux? Non, va, va, il ne faut pas la faire attendre. Tu viendras me voir demain matin? Non. Pourquoi? Je te raconterai ce qui sera passé. Ça ne m'intéresse pas. Eh bien, Jimmy, tu viens? Voilà, voilà. Ne viens pas plus tôt que 10h30 parce que j'ai rendez-vous avec mon coiffeur. Bonsoir, mon petit. Amuse-toi bien. Oh non, sois pas ironique, veux-tu? Oh, oh, oh, oh. Faut pas pleurer comme ça, mademoiselle Nicole. Je sais bien que c'est idiot. Bon, c'est plutôt que ça n'en vaut pas la peine. Je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce qu'ils sont partis? Je crois, oui. Enfin, vous pouvez passer par l'autre côté. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, mademoiselle, bonne nuit. Oh, ça? Ah, il faut dormir, sans ça, vous n'aurez pas bonne mine demain matin. Je tâcherai. Merci, Antoine. Ce n'est rien, mademoiselle. Antoine. Ah, bonsoir, monsieur Philippe. Bien, avez-vous réussi? Pensez-vous. La famille m'a envoyé promener avec un ensemble tout chaud. Ah, que voulez-vous, monsieur Philippe? C'était malheureusement à prévoir. Oui, oh, je sais bien, ils n'ont qu'un désir, tous. C'est que je ne trouve pas cet argent pour que, bon gré mal gré, je sois séparé de Luba. Et si elles ne me connaissent pas, j'irai plutôt en prison à sa place. Oui, monsieur Philippe. Il me faut ces 30 000 francs, il n'y a pas à dire. Bah, si je pouvais, monsieur Philippe, ce serait avec plaisir, mais 30 000 francs, vous comprenez. Il ne s'agit pas de ça, Antoine, je ne vous les demande pas. Vous m'avez déjà prêté suffisamment d'argent. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Et alors, monsieur Philippe? Si j'en parlais à Christina. Ah, oui, peut-être seulement. Je vous prie de croire que si je me résigne à ça, c'est que je ne peux pas faire autrement. Parce que. Demander de l'argent à ma femme pour sauver ma maîtresse, c'est une chose qui ne m'est pas précisément agréable. Mais que voulez-vous? Bah, je m'en ai pas là. Elle n'est pas là? Et non, ils sont tous au bal de l'Interallié, Madame Philippe, Monsieur Pinto, Mlle Lily, enfin tout le monde. Allons, décidément, le sort est contre moi. Dieu sait à quelle heure ils vont pouvoir rentrer. Et alors, pour pouvoir lui parler, à moins que vous ne puissiez attendre jusqu'à demain, elle est souvent seule le matin. Mais si on dépose la plainte, Louba est arrêtée, comprenez-vous? Ce n'est pas demain qu'il me le faut, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mais oui, Monsieur Philippe, mais où le trouver? Ça, je n'en sais rien, mais il me le faut. Si j'avais encore des bijoux, je les vendrais naturellement. Il y a longtemps que je n'ai plus rien. J'ai mis au clou ma dernière perle il y a 8 jours, d'ailleurs pour ce qu'on en tire. Tenez, vous savez combien ils m'ont donné de mon bracelet de platine? Mais qu'est-ce que vous regardez? Rien. 6 000, ils m'ont donné. Et Christina l'avait payé 18. Je le sais, j'ai vu la facture. Vous connaissez la comtesse Polacki, monsieur Fer? La comtesse Polacki? Oui. C'est un nom qui me dit quelque chose, pourquoi? Non, pour rien. Parce que je pensais que si vous l'aviez connue, vous auriez pu lui demander à elle de vous avancer cet argent. Je ne la connais pas. Ah. Vous pourriez peut-être lui demander tout de même? Sans la connaître? Comment voulez-vous? Elle me prendrait pour un fou. Oh, mais non, monsieur Philippe, c'est une dame qui comprend les choses. Mais sous quel prétexte lui demanderais-je ça? Elle n'a pas besoin de prétexte, elle a l'habitude. Oui, c'est une dame qui s'intéresse beaucoup aux messieurs, surtout quand ils sont beaux garçons comme vous, monsieur Philippe. Ah bon? Oui, justement, elle est toute seule en ce moment, elle s'ennuie. Vous pourriez peut-être essayer. Maintenant, je vous dis ça, moi, c'est pour vous rendre service. Il faudrait payer en nature, je suppose. Au moins un petit acompte, monsieur. Oui. La comtesse Polacki. La comtesse Polacki. Ça n'est pas une petite brune? Ah non, ça c'est la jeune. Ah. Non, celle-ci c'est l'autre. Celle qui a une écurie de course. Ah oui. Oh, elle est très connue. Et quelle... Enfin, comment est-elle? Oh, c'est une dame très gentille, très bien élevée. Oui, mais je veux dire, physiquement. Elle n'a pas dû être mal. Oui. Et quel âge? Dans les 40, 45. Pas plus. Pas beaucoup plus. Enfin. Je vous offre ce que j'ai, hein, monsieur. Oui. Naturellement, nous ne serions pas si pressés, je ne vous dis pas qu'on ne trouverait pas mieux. Vous seriez venu à l'heure du thé, par exemple, il y avait déjà beaucoup plus de choix. À cette heure-ci. Alors justement, ce soir, c'est le bal de l'Interallié, toutes ces dames y sont, ça c'est plus que certain. Bon. Et vous croyez que ça l'intéressera? Oh, pour l'intéresser, ça l'intéressera. Non, c'est plutôt la question du chiffre. 30 000 francs, dame Elle trouvera que ça ne les vaut pas. Ah non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, monsieur Philippe. Non, ce mois d'après, le personnel ici, c'est une dame plutôt serrée. Ah ben, c'est gai. Bah, si j'avais quelqu'un d'autre sous la main. Est-ce que je peux la voir? Une seconde. C'est elle qui parle avec Jules, là-bas. En vert? Oui. Oh, non. Oh. Je ne vous ai pas dit qu'elle avait 20 ans, hein? Mais ça va être affreux, Antoine. Alors, il ne faut pas le faire, monsieur Philippe. Mais est-ce que j'ai le choix? Oh. Ouais, tant pis, que voulez-vous? Alors, nous y allons? Ben, allons-y. Vous verrez de près, elle n'est pas si mal que ça.

Bien, je crois qu'il a des ennuis en ce moment. Hein? Quel genre d'ennuis? Il joue beaucoup. Hein? Il n'a guère de chance, à ce qu'il paraît. Ouais. J'ai entendu dire qu'il avait perdu une certaine somme ces jours derniers. Voilà. Et comme il n'a pas de fortune personnelle... Ouais. On dit même qu'il a perdu sur parole et qu'il n'a pas encore pu régler. Mais il n'a donc personne à qui emprunter. Monsieur Philippe, oh, alors là, ce ne sont pas les relations qui lui manquent. Il connaît tout ce qu'il y a de mieux à Paris. Eh bien alors? Oui. Oui, mais c'est qu'il est fier, madame la comtesse. Oh, il n'y a pas plus fier que monsieur Philippe. Alors probablement, ça l'humilie de demander. C'est toujours une chose désagréable de demander. Oui, oh, ça c'est bien vrai, madame la comtesse. De quelle somme s'agit-il? Oh, il ne s'agit pas d'une bien grosse somme. J'ai entendu parler d'une trentaine de mille francs. Et vous trouvez que ça n'est pas une grosse somme? Monsieur Lian, n'est-ce pas, ça dépend des disponibilités qu'on peut avoir. 30 000 francs, mais vous comprenez? Ah oui, mais je comprends très bien, madame. Enfin, si encore c'était en plusieurs fois. C'est une dette de jeu, n'est-ce pas, madame la comtesse? Une dette de jeu, c'est une dette comme une autre, ça se négocie. On offre une partie comptant et le reste par paiement. Échelonné. Ça peut être, mais il n'y a que M. Philippe qui puisse vous répondre. Dans ces conditions, je pourrais peut-être envisager de lui rendre ce service. Mais 30 000 francs, d'un coup, non. Ce serait de la folie. Si Mme la comtesse voulait bien lui parler, ça pourrait peut-être s'arranger tout de même, je ne sais pas, moi, non? Eh bien, parlez-lui, vous. Moi, madame la comtesse... Oui, vous viendrez me dire après ce qu'il vous aura répondu. Oh, madame la comtesse m'excusera, mais si je commence à m'occuper de ces choses, Dieu sait ce qu'on arrivera à dire. Ah oui, je comprends bien, mais comment l'aborder? Bah, madame la comtesse n'a qu'à faire semblant de croire qu'elle l'a déjà rencontré quelque part. On fait ce qu'on fait habituellement. Oh, je sais bien, mais je suis stupide, moi, pour ces sortes de choses. Oh. Je n'ai jamais su faire ça. Oh, ouais. Vous pouvez bien lui dire que je serai ravie de faire sa connaissance. Ce n'est pas compromettant. Enfin, il faut bien que ce soit pour madame la comtesse, autrement... Appelez-le. Moi, je vais aller m'asseoir dans mon coin habituel. Vous savez, au bout de la galerie. Je sais, madame la comtesse, je sais. On y est tranquille. Mmh. Dites-lui que je le trouve très sympathique. Et envoyez-le-moi... N'est-ce pas? C'est entendu, madame. Enfin, je vais essayer de le décider. Et surtout, qu'il n'ait pas peur. Je ne lui veux pas de mal. Elle ne veut pas? Mais si, mais si. Alors, pourquoi s'en va-t-elle? Elle va vous attendre au bout de la galerie pour que vous puissiez causer sans être dérangé. Ah. Alors elle accepte? Oui, elle ne veut pas vous donner les 30 000 francs d'un coup, mais elle... Ah bon, ben alors c'est pas... Elle les donnera. Elle dit ça parce qu'elle ne vous connaît pas encore. Vous êtes sûr qu'elle ne fera aucune difficulté? Ah non, elle n'en fera pas. Alors vous croyez qu'il faut que j'y aille? Alors, ça ne sait pas, monsieur. Philippe, c'est à vous de décider, hein. En tout cas, elle vous attend. Ah ben tenez, elle regarde par ici. Et elle vous sourit pour vous donner du courage. Christina. Ah bien, ça, par exemple, c'est une veine. Mais pourquoi toi ici? Eh bien, j'étais venu pour te voir et puis... Pour me voir à moi, c'est vrai? Oui. Et puis Antoine m'a dit que tu étais sorti. Madame n'a donc pas été au bal? Si, mais je me suis tellement ennuyée que je suis repartie. Ah bon, et Monsieur Pinto? Il est resté avec Lily pour attendre la tombola. Ah bon? Je suis très contente que je suis revenue. Eh bien, et moi? Toi, tu es content? Oh, tu ne peux pas savoir ce que je suis content. Oh. Tu veux nous asseoir ici au moment? Volontiers. Monsieur Philippe, pour la comtesse. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous croyez? Je m'en vais toujours la faire attendre, à tout hasard. Merci, Antoine. Mais comme toi, mauvaise mine. Ah. Ah, ben, ça se peut. Mais pourquoi, toi, cette mauvaise mine? Toi, es malade? Oh, non, non. Non, je ne suis pas malade, seulement... J'ai tellement d'embêtements en ce moment. Tu as beaucoup d'embêtements. Oh. Pauvrecito, mais pourquoi tu n'es pas venu me trouver à moi? Mais parce que... Tu es la dernière personne à qui je puisse m'adresser, voyons, Christina. Mais pourquoi? Est-ce que je ne suis pas ta femme? Évidemment. Et alors? Ben, c'est justement pour ça. Combien il t'est faux? Mais rien. Ne sois pas stupide, Philippe. Dis-moi combien il t'est faux. Mais non, je ne te le dirai pas. Je ne peux pas accepter d'argent de toi. Enfin, surtout dans cette circonstance. Et qu'est-ce que c'est, la circonstance? J'ai besoin de 30 000 francs pour empêcher Louba d'être arrêté demain. Alors, tu vois. Pourquoi on veut l'arrêter? Elle a commis une imprudence. Toi, ton stylo? Mais pourquoi faire? Donne-le. Mais puisque je te dis que je n'en veux Donne-le. Pas... Donne-le. C'est assez, 30 000? Oui, mais je te répète... À quel nom je fais le checker? Au porteur, ça vaudra mieux. Tiens. Tu es très généreuse, Christina. Mais non. Oh, si. Oh, ce n'est pas que je suis généreuse. C'est seulement que je t'aime, toi. Chère Christina, je me suis pourtant si mal conduit avec toi. Mais c'est pas de ta faute, moi. Moi, je n'étais pas assez jolie pour toi. Oh, ce n'est pas... Oh, je le sais, Eva, qu'elle est beaucoup plus jolie que moi. Mais non, je t'assure que ce n'est pas du tout ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Oh, tu ne pourrais pas comprendre. Pourquoi? C'est une chose que je m'explique à peine à moi-même, alors. Quand nous nous sommes connus il y a 3 ans à Biarritz, tu ne peux pas savoir ce que je t'ai aimé. Mais moi? Jamais aucune femme ne m'avait plu autant que toi. C'est vrai? Tu te rappelles le premier soir sur la terrasse? Oh, tais-toi. Comme ça a été gentil ces 2 mois là-bas. Tu te souviens? C'était merveilleux. Et puis, tu m'as demandé de t'épouser, alors ça n'a plus été pareil. Mais moi, je croyais de te rendre heureux. Oh, bien sûr, tu m'as comblé, ça. Tout ce qu'un homme peut souhaiter, tu me l'as donné, mais c'est ça, justement, qui a tout changé. Qu'est-ce que tu veux? Je ne pourrai jamais aimer une femme qui m'entretient, moi, il n'y a rien à faire. De l'affection, de la reconnaissance, oui. Mais de l'amour, non, c'est impossible. Mais comment cela? Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça, je ne changerai pas. Ce que j'aime, moi, ce n'est pas de recevoir, c'est de donner. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça il y a 300? Alors tu aurais poussé une autre. Et moi, tu m'aurais aimé. Ah, évidemment, si on savait. Mais quand on sait, il est trop tard. Bon. Eh bien, il va falloir que je m'en aille, Christina. Déjà? Il se fait bien tard, tu sais, et puis je suis bien fatiguée. Pauvrecito. Alors? Puisqu'il le faut. Oh. Mais qu'est-ce que tu as, Philippe? La tête me tourne un peu, ce n'est rien. Oh, mais ça ne te m'aborde, mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Mais rien, rien, ne t'inquiète pas. Ça doit venir de ce que je n'ai rien mangé depuis hier. Il n'a rien mangé, Jesus mio! J'ai tellement couru pour essayer de trouver cet argent. Alors tu vas prendre quelque chose avant de t'en aller. Mais non, ce n'est pas la peine, je m'arrêterai dans un bistrot avant de rentrer. Non, non, non, ici, moi je le fais. Antoine! Antoine, écoutez ici, maman. Figurez-vous qu'il n'a rien mangé depuis hier. Non, c'est vrai. Oh, c'est pas possible d'avoir tout de suite quelque chose. Mais bien sûr, madame, au restaurant. Oh, si vous voulez. Ou peut-être à l'appartement, parce que le restaurant, à cette heure-ci, c'est pas bien gai. Oui. Ou tu préfères à l'appartement, non? Mais je ne veux pas te déranger. Me déranger. À l'appartement. Bon, alors, un petit consommé pour commencer. Oui. J'ai du caviar tout frais arrivé de ce matin. Mettez-le. Mais ce n'est pas la peine. Merci du caviar. Bon, un peu de viande froide avec une petite salade de romaine. Oui. Une petite compote pour terminer. Et voilà. Mais c'est beaucoup trop. Bon, comme boisson, une pommerie 21, comme d'habitude. Oui. Ah non, non, non, non. Non, je ne suis plus entraîné au champagne, je ne le supporterai pas, non. De l'eau, tout simplement. Alors de l'eau. Mais très vite, Antoine. Tout de suite, madame, tout de suite. Tu viens, Philippe. Voilà. Bon, monsieur Philippe. Pour la comtesse. Ça va, elle peut aller se coucher. Bien, monsieur. Antoine. Madame? Quand viendra Carlos, dites-lui que j'étais un peu fatiguée, que je suis montée me coucher. Oui, madame. Mais surtout, empêchez-le de monter. Ah, oui, hein? Mais qu'est-ce qu'il faudra lui dire pour l'empêcher? Oh, bah dites-lui ce que vous voudrez, moi ça m'est égal. Ah oui, madame, mais s'il insiste. Ah, s'il insiste. Mm. Donnez-lui ça. Ça suffira? Oh, oui. Ah non, je veux dire, madame, ne voudrait pas lui écrire un petit mot? Ah. Mm. Voilà, comme ça c'est réglé. Merci, madame. Ah, Antoine, Mettez tout de même la bouteille des pommeries. Je l'avais mise à tout hasard, madame. Merci, Antoine. Ce n'est rien, madame. Gilles, tenez, passez cette commande et qu'on la monte au 204 aussitôt que ce sera prêt. Au 204. Oui, avec deux couverts qu'on se dépêche, c'est pressé, hein. Bien, monsieur. Madame. Oui, justement, j'allais prévenir, madame la comtesse. Il a un certain toupet de me faire attendre comme ça, votre monsieur. Vous savez, Antoine. Mais oui, c'est comme un fait exprès, madame. Il a fallu qu'il rencontre sa femme. Hein? Il est marié. En plus, c'est complet. Oui, ils ne s'étaient pas vus depuis très longtemps. Certainement, ils avaient beaucoup de choses à se dire. Alors, ça fait que... c'est sans doute pour eux ces deux couverts dont vous parliez à Jules. Justement, madame la comtesse. Charmant. Il me paraît inutile, dans ces conditions, d'attendre davantage. Bah, à la place de madame la comtesse, moi, je sais très bien que j'irai carrément me coucher. Eh bien, je me souviendrai de cette soirée, par exemple. Et oui, il y a des jours comme ça, on a beau faire, rien ne s'arrange. Je ne regrette qu'une chose, c'est d'avoir perdu mon temps à vous écouter. Faut jamais regretter d'avoir voulu faire une bonne action, madame la comtesse. Merci de vos conseils, Antoine. Ce n'est rien, madame la comtesse. Mais à l'avenir, vous voudrez bien adresser vos pauvres ailleurs. Bien, madame la comtesse. Bonne nuit, madame la comtesse. Bonsoir. Je peux boucler, monsieur Antoine, ça a l'air terminé oui, pour oui. ce soir. Je vais partir, Jules. Bon, il faut que j'attende encore monsieur Pinto, encore une commission agréable. Ça. Tenez, le voilà. Ah, allez. Antoine, regardez ce que Carlos a gagné à la tombola. Oh, c'est joli, oui. hein. Oui. Madame, elle est montée. Oui, monsieur Carlos, elle m'a remis quelque chose pour vous. Pour moi? Oui, voilà. Qu'est-ce... Le chapir. Elle vous a dit de me donner le chapir. Oui, elle a écrit quelque chose, là, sur le papier. Adios para siempre, Cristina. Alors elle veut me quitter. C'est vrai. C'est fini. C'est peut-être pas définitif, monsieur Carlo. Moi aussi, je le sais aller. Depuis longtemps qu'elle en avait assez de moi. Elle attendait seulement l'occasion. Et maintenant, elle est bénie l'occasion. Que disgrâce. Il ne faut pas vous désoler comme ça, monsieur Carlo. Moi qui lui avais tout sacrifié. Mon honneur et ma réputation. Et voilà ce qu'elle fait avec moi. Et c'est toujours ainsi avec les femmes. Toutes, ils sont pareils. Vous exagérez, monsieur Carlo. Toutes ces dames ne sont pas comme ça. Toutes, je vous dis. Pas une qu'elle vaut mieux que l'autre. Si, si, je suis sûr qu'il y en a de moins volages. Des moins volages? Des dames sérieuses et qui sauraient apprécier un homme comme vous. Un homme dévoué, tranquille et qui ne pense pas toujours à s'amuser. Demandez un peu à mademoiselle Lily ce qu'elle en pense. Antoine a raison. Ah. Ce n'est pas parce qu'une femme vous a déçu qu'il faut mal juger toutes les autres. Antoine a raison. Il y a des femmes capables d'apprécier un homme comme vous. Capables aussi de l'aimer. Tenez, allons prendre un verre au bar. Je suis persuadée que je saurai vous convaincre. Alors, Jimmy, vous êtes content? Oh, Dot, j'espère que vous n'en doutez pas. Vous croyez que vous serez heureux avec moi? Mais j'en suis sûr. C'est bien. Quand parlerez-vous à maman? Est-ce qu'il faut que je lui parle? Ah oui, parce qu'il y a un tas de questions que vous réglerez bien mieux toutes les deux. Vous savez, les chiffres, moi. Alors, je lui parlerai demain. Ah, vous voilà, je vous cherchais. Madame, je voulais justement vous demander si je peux vous voir demain matin pour parler de choses très importantes regardant Jimmy et moi. De choses... Comment? Jimmy! C'est vrai? Oui, maman. Oh, mes enfants! Mes chers enfants, que je suis heureuse! Mais quel petit cachotier! Il ne m'avait rien dit, vous savez. Quand avez-vous décidé ça? Il y a une demi-heure. Eh bien, voilà une surprise. Une heureuse surprise. À quelle heure voulez-vous venir me voir demain matin, ma chérie? Vers 10 heures, si ça vous plaît. Entendu. Maintenant, je vais vous dire bonsoir, parce que je suis un peu fatiguée. Oh, je pense bien après une journée pareille. Vous permettez que je vous embrasse? Oh, mais avec plaisir. Bonne nuit, ma chérie. Merci. Jimmy? Oui? Vous voulez venir me dire bonsoir dans un moment? Là-haut? Oui. Je sais pas si je pourrais, vous savez. Pourquoi? Bah, à cause de maman. Si, il faut pouvoir, Jimmy. Ah, je tâcherai. Je vous attends. Good night. C'est good night. Good night. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon trésor. Et bravo. Je suis très fière de mon fils. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé en partant? T'allais lui dire bonsoir chez elle, tu penses? Oh, maintenant. Ah, zut, qu'est-ce que tu veux? D'abord, il est minuit passé, moi j'ai envie de dormir. Oh, Antoine! Antoine arrivé! Je veux que vous soyez le premier à apprendre la bonne nouvelle. Je vous annonce que Jimmy est fiancé, mon bon Antoine. Oh, tous mes compliments, madame. Merci. Ah, ça a été dur. Mais nous y sommes arrivés quand même. Oh, d'ailleurs, avec Jimmy, je ne me faisais pas de soucis. C'est un enfant, je peux le dire, qui ne m'a jamais donné que des satisfactions. Mmh. Ah, quel dommage que son pauvre père ne soit plus là. Il serait si content. Avril a été excellent. Et le mois de mai s'annonce encore meilleur. Tiens, Lily. Si ça continue, je triplerai mon chiffre d'affaires cette année. Vraiment? Ah, oui. D'ailleurs, j'ai l'intention de fonder une succursale bientôt à Deauville. Oh! Mais je n'aime pas beaucoup qu'elle se mette à fréquenter ce monsieur. Comment? Ils sortent ensemble? Ah, oh, ça c'est un peu fort. Elle aura de mes nouvelles demain matin. Il ne manquerait plus que ça, par exemple. Madame est injuste pour Monsieur Carlos. Il vaut mieux qu'il n'en a l'air. Qu'est-ce qui vous prend, mon pauvre Antoine? La réputation de Monsieur Pinto n'est plus à faire. C'est un individu complètement taré. Enfin, c'est bien simple. C'est un homme qui vit des femmes. Voilà. Eh oui, madame, seulement ça... On le dit de tant de ces messieurs, pardon. Alors vous rentrez vous coucher, Antoine? Oui, madame, mais je vais faire un petit tour à pied avant. Ah, pour faire de l'exercice? Pour changer un peu d'air, madame. Monsieur Antoine vient tout de suite, madame. Merci. Non, pas devant la fenêtre, ça c'est pas possible. Donnez-lui le 12, on l'avancera si on peut. Hein. Bon, qui me demande? Madame. Ah bon, très bien. Dépêchez-vous, ça doit être fini à 7h06. Bonjour, madame. Je vous demande pardon de vous déranger à cette heure, Antoine, mais j'avais absolument besoin de vous parler. Ça ne fait rien, madame, tout à votre disposition. Je voudrais vous demander un conseil. Oui, madame. C'est une chose très importante, qu'il y va du bonheur de ma vie. Oui, madame. Vous savez à quelle heure il est parti, Philippe? Non, madame. À 8h ce matin. 8h? Sapristi! Madame doit être contente. Oh! Mais Antoine, je ne veux plus me passer de lui, vous savez. Voilà. L'amour avec lui, c'est une chose que je ne peux pas vous expliquer. Mais bien sûr, madame, bien sûr, ces choses-là, n'est-ce pas, ça ne se discute pas. Mais je ne peux plus le laisser aller avec cette fille, Antoine, ça me fait trop souffrir. Et oui, madame, voilà comment faire. Écoutez, moi j'ai une idée. Ah. Alors je voudrais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Oui, madame. Voilà, hier au soir, Philippe, il m'a dit une chose que sur le moment, je n'ai pas fait beaucoup attention. Mais qu'elle m'est revenue ce matin quand il est parti. Quoi donc, madame? C'est une chose extraordinaire, Antoine. Vous savez pour quelle raison il a commencé de ne plus m'aimer à moi après le mariage? Non, madame. Pour la raison que moi, je lui donnais de l'argent. Pas possible. Pour lui, c'est une chose qui tue l'amour. La femme qu'il entretient, il ne peut plus l'aimer. Une autre, oui. Mais celle-là qu'elle fait les cadeaux, qu'elle paie les dépenses, il ne peut plus. C'est drôle, non? Bah drôle, si on veut. Alors voilà qu'est-ce que c'est que mon idée. Puisque si moi, j'ai de l'argent, il ne peut plus m'aimer, moi, je vais me séparer de mon argent. Madame veut se séparer de son argent? Oui, je vais le donner. Ah, oui, voilà, mais à qui? Ah, ça, je ne sais pas. Ou à des œuvres. Sûrement que je vais en trouver une qui va accepter. Ah oui, enfin. C'est pas là la difficulté. Mais madame ne croit pas que c'est un peu risqué? Mais moi, je ne tiens pas à l'argent, je tiens seulement à l'amour. Eh oui, madame. Mais qu'est-ce que c'est ça, l'argent? Rien du tout. Évidemment, ce n'est pas grand-chose. Mais l'amour, ça, oui, c'est quelque chose. Peut-être vous n'avez pas connu qu'est-ce que c'est, vous, Antoine. Guerre, madame. Enfin, j'en ai beaucoup entendu parler, par exemple. C'est une chose splendide, Antoine. Je le crois volontiers, madame. Mais en tout cas, moi, alors, je m'y prendrai autrement. Et comment? Eh bien, au lieu de se séparer de son argent, Madame n'a qu'à dire qu'elle l'a perdu. Le résultat sera le même, enfin, ça permet de voir venir. Mais voilà! Mais comment moi, je n'avais pas pensé une chose pareille? Et que vous êtes intelligente, Antoine! Oh. Un véritable génie que vous êtes! Madame est bien bonne. Eh bien, comment je pourrais lui faire croire ça, Philippe? Eh bien, voyons, où madame a-t-elle sa fortune, si je peux me permettre de lui demander? Oh, c'est tout dans une banque à Buenos Aires que mon oncle, il est président. Ah, ça, c'est ennuyeux. Pourquoi? Ah, parce qu'on aurait pu dire que la banque a fait de mauvaises affaires, mais c'est peut-être contrariant pour l'oncle de madame. Oh, ça ne fait rien, c'est un oncle, il est très vieux, il ne vient jamais ici. Alors on peut dire que la banque est en faillite. Mais voilà, et que mon oncle, il a pris mes valeurs pour des spéculations, qu'elles auraient mal tourné. Tout simplement. Mais comment moi, je l'aurais appris? Oh, par une lettre. Ah oui, mais c'est que moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre. Oh, si vous étiez assez bon de me dire en français, Antoine. Et moi, je vais traduire en espagnol. Enfin, si madame veut. Et après, moi, je vais téléphoner à Philippe qu'il est arrivé une chose épouvantable et qu'il doit venir. Voilà. Mais vous allez me garder le secret, Antoine. Bien sûr, madame. Pour que tout le monde à Paris croit que je suis ruiné. Sans ça, vous comprenez, ça ne va plus. Ah, mais on le croira, madame, on le croira. Les mauvaises nouvelles comme ça, on les croit toujours. Que je vous remercie, Antoine. Mais ce n'est rien, madame. À quelle heure vous allez venir? Oh, dans un petit moment, aussitôt que j'aurai terminé ici. Bon, mais je vous attends, hein? Oui, madame. Monsieur Antoine, la duchesse d'Olivares vous a demandé. Ah, qu'est-ce qu'elle voulait? Retenir une table pour déjeuner. Ah, et puis elle aura des Américains, alors elle demande qu'on l'appelle Altesse Royale. Ah non, ça c'est pas possible. Non, quand nous serons seuls, si ça lui fait plaisir, mais pas devant le monde, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un imbécile, moi. Voilà Monsieur Pinto qui s'amène. Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Bonjour, Monsieur Carlos. Bonjour. Vous voilà revenu? Oui, je suis revenu. Pourquoi? J'ai quelque chose à vous demander. Ah. Vous êtes bien rentré hier soir avec Mademoiselle Lily? Que je vous en prie de ne plus me parler de cette femme. Ah, bon? Que c'est une créature sans honneur et sans loyauté. Pas possible. Si. Et qu'est-ce qu'elle vous a fait? Vous avez entendu qu'est-ce qu'elle a dit ici hier soir, hein? Oui, ça je me souviens, oui. Alors quand moi j'ai vu qu'elle parlait comme ça, je me suis dit, Carlos, c'est pas une raison pourquoi tu étais très attaché à Christina, qu'elle a trahi ton amour, pour laisser passer l'occasion de refaire ta vie avec une autre. Table. Alors, en arrivant à la maison, je lui ai parlé carrément. Je lui ai dit que son mari, je voulais bien être, mais autre chose, non. Mais paraît que c'était clair. Sûrement. Alors, la voilà qui m'embrasse à moi, me dit ça. J'aime que tu sois heureux, tu le seras, je le suis. C'était pas très méchant, tout ça. Attendez. Et en même temps, me dit d'enlever du doigt les sapires de Christina. Et me donne à la place un bagaël. Un petit scarabée qui n'avait pas de valeur, mais que pour la signification, c'était pareil. Oh oui. Moi, je la remercie avec beaucoup d'émotion. Et la voilà qui ouvre la fenêtre et qui crie au chauffeur de s'en retourner pourquoi elle n'a plus besoin de la voiture. Vous voulez me dire qu'est-ce que je pouvais faire? Évidemment. Quand je me suis réveillé, ce matin, elle était partie. Vers 9h30, par gentillesse, je pense de lui donner un petit coup de téléphone pour lui dire un petit bonsoir. Et alors est arrivée la chose épouvantable. Quoi donc, Monsieur Carlos? En demandant le numéro de téléphone, je tombe sur une conversation entre elle et sa mère, que je comprends tout de suite que la mère, elle parlait de moi. Et qu'est-ce qu'elle disait? Je préfère de ne pas vous le répéter. Bien, Monsieur Carlos. Mais ça, c'est des choses qu'elles n'ont pas d'importance pour moi. Je les méprise. Vous avez raison, Monsieur Carlos. Mais alors, est venue la réponse de Lily. Aha. Que je vivrai 100 ans que je l'entendrai encore. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Maman, elle a dit comme ça. Oui. Je comprendrais que tu me dises tout ça si moi, ça fait l'intention de l'épouser. Mais ça, il n'en est pas question. Mais ça... Il n'en est pas question. Vous avez entendu? Ah oui, entre bien. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai seulement pris le petit scarabée dans son enveloppe. Et en venant ici, je l'ai déposé à son concierge. C'est tout. Et jamais je ne vais la revoir. Ah, vous avez tort, Monsieur Carlos. Qu'est-ce que vous dites? Mais je vous l'ai dit souvent, cette idée fixe du mariage, ça vous perdra. Mais pourquoi ne veux jamais me pousser à moi à la fin? Pourquoi tous les autres et moi non? Et que voulez-vous, vous n'y changerez rien. L'habitude est prise maintenant, c'est trop tard. Alors, puisque c'est ça, puisque le mari, je ne peux pas s'être, je ne serai plus rien. Les femmes et moi, basta. Et alors, monsieur Carl? Alors quoi? Comment ferez-vous? Je vais travailler. Ah oui? C'est pour cette raison que je suis venu vous voir, à vous. Je vais vous demander de me trouver quelque chose. Non, mais c'est sérieux. C'est très sérieux. Mais ça ne se trouve pas comme ça, vous savez, une situation. Bah, vous savez tellement de relations que sûrement vous allez me trouver une situation. Mais qu'est-ce que vous auriez fait? Ah, mais égal, n'importe quel travail, pourvu que ce ne soit plus les femmes. Oui, selon, voilà, ailleurs, il y a un apprentissage à faire. Alors, je le ferai. Bon, y a-t-il quelque chose que vous connaissiez un peu? Attendez, vous parlez l'anglais? L'anglais? Je pense que je le parlais. Je suis resté un an avec le Diochtle et 6 mois avec Mrs. Gust. Alors, voudriez-vous être secrétaire d'un Lord anglais arrivé d'avant-hier? Lord Garfield, je crois qu'il s'appelle. Il a demandé à ce qu'on lui en procure un. Ça vous irait-il? Vous croyez qu'il va m'acheter à moi? Essayez, monsieur Carlos. Bon, quand est-ce que je peux l'avoir? Il faut d'abord le faire prévenir. Ou alors, je vais tâcher d'y aller moi-même, comme ça je ferai un peu l'article sur vous. Je vous remercie. Je vous en prie, ce n'est rien, monsieur Carlos. Qui est, Carlos? Comment te va? Comme ça. Bonjour, Antoine. Les félicitations, monsieur Jimmy. Pourquoi? Votre maman... Ah oui, merci, vous êtes bien gentil. Dites donc, vous n'avez pas vu Nicole? Ah non, monsieur Jimmy, non. Qu'est-ce qu'elle fait? Je lui avais dit 10h30 hier soir. Ah, méfiez-vous, monsieur Jimmy, ça ne plairait peut-être pas Mrs. Freeman, ça. Elle n'a pas la prétention de m'empêcher de voir mes amis, je pense. Non, elle m'a déjà téléphoné ce matin pour savoir si je vous avais vu, elle paraissait furieuse. Elle m'a dit qu'elle vous avait attendu jusqu'à 3h du matin dans votre chambre, dans oh, sa chambre. Ça, je m'en doute, oui. Hé, hey, Antoine, vous n'oubliez pas pour moi. Ah non, monsieur Garou, j'y vais. Qu'est-ce que tu lui veux, Antoine? Elle doit me donner une réponse. Ah, dis donc, il paraît que tu en fais de belle, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as enlevé Lily. Hier soir, maman était dans tous ses états. Premièrement, je n'ai pas du tout enlevé Lily. Et secondement, je vais te dire que ta mère, elle commence à m'embêter à moi, hein? Bon, ce que je t'en dis, moi, tu sais, hein, ça m'est égal. Lily est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire. En tout cas, moi, je n'ai rien à faire avec elle. Sans blague, ça n'a pas collé? N'est pas la question de coller ou de ne pas coller. Moi, je ne me soucie pas de Lily. Eh ben, mon vieux, tu as tort. D'abord parce qu'elle ne demanderait que ça. Et puis qu'au fond, c'est une fille très bien, Lily. Tu aurais bien moins d'embêtements qu'avec Christina. Quoi? Lily ou Christina ou une autre, c'est toujours pareil. Moi, ça n'est fini avec les femmes. Tu as fini avec les femmes? Ouais. Tu plaisantes? Non, je ne plaisante pas. Tu peux demander à Antoine si ce n'est pas vrai, hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? M'arrive que moi, j'en ai assez. Que toutes les femmes sont des menteuses, sans scrupules et sans délicatesse. Toujours promettre et jamais ne tiennent. Profite que nous sommes sans expérience pour quatre jeunes. Et ça moussa nous a baissés et après nous méprise. Des esclaves, voilà ce qu'elles font avec nous. Jamais de respect, toujours à la disposition, jamais de liberté, jamais d'affection. Et quand tu leur as tout donné, ton honneur et ta réputation, alors elles en ont assez, prennent l'autre. Eh bien, tu n'es pas gay ce matin. Bah, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai dit? C'est possible, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ah, je vais te dire, moi, qu'est-ce qu'on peut y faire. Ouais. On peut s'en passer, les femmes. Penses-tu comment? En travaillant. Et c'est ça que moi, je vais faire. Tu vas travailler? Je vais entrer comme secrétaire dans l'Ortenclé. Non! Si. Ce sera pas très rigolo, hein? Ah, tu crois que c'est rigolo? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Je ne te dis pas, mais tout de même. Ah! 100 000 fois que je préfère dégager ma vie en travaillant, hein? Alors toi, tu es ton maître. Quand ta journée est finie, tu fais ce que tu veux. Si te plaît de sortir, tu sors. Si te plaît de rester, tu restes. Que si tu t'ennuies tout seul, n'est pas difficile de trouver une petite demoiselle qui laisse ses soirées libres. Alors quand toi, tu as envie de faire l'amour, tu le fais. Mais quand tu n'en as pas envie, surtout, tu ne le fais pas. Oui, oh, évidemment, ça a du bon, je le reconnais. Ah, mon pauvre Jimmy, si moi, je pouvais te raconter tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai supporté, toutes les misères, toutes les humiliations, alors je sais que toi aussi, tu dirais assez pour moi. Basta, basta con las mujeres, hombre. Ah, tu en as de bonnes, je suis fiancé. Fiancé? Depuis hier soir. Avec l'américaine? Oui. Mais non! Si! Jimmy. Quoi? Ne fais pas ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi la plus terrible de toutes, c'est l'américaine? Ça, je te le dis. L'anglaise n'est pas si mauvaise. Pourquoi tu as en général une bonne éducation et puis n'a pas l'habitude que l'homme s'occupe d'elle, hein? Alors, si tu es gentil, ça la reconnaître. La française, assez bonne. Pas beaucoup de pensières, mais fidèle, hein? La chantine... Così, così, eh. L'espagnol ne sait pas, ne s'en voit presque pas. L'italienne pas sûre, eh. Mais ils sont très surprises, très passionnés. Et le lendemain, ne te connais plus. L'allemande, excellente. Peut-être la meilleure de tous. Ce n'était pas la question du physique. Mais l'américaine, oh, épouvantable! Je préférerais dépasser 10 ans avec une autre que seulement un mois avec une américaine. Et ça, je le dis par expérience, hein? Pourquoi l'an passé, j'étais avec une. Oui, c'est bien, Mrs. Girls. Ah, un véritable enfer que c'était ma vie. À ce point-là? D'abord, jusqu'au dîner, tu ne dois pas sortir. Hein? Oh, allons donc. Eh oui, pourquoi dans ce pays, les hommes y travaillent? C'est l'habitude. Alors, ceux qui ne font rien, ils doivent rester chez eux pour qu'on croit qu'ils travaillent. Sinon, ils seraient méprisés. Sans blague? Si. Et pendant ce temps-là, les femmes, elles sortent, se promènent, déchaînent sous la vallée, sortent, vont dans les magasins, s'amusent toute la journée. Et toi, non, hein? Seulement le soir, tu as le droit de sortir. Alors, tu vas dîner chez des amis, qu'il y a beaucoup de coquetelles, que tout le monde y parle ensemble, et jamais à toi. Et puis, quand tout le monde il est ivre, tu fais signe, ta femme, qu'elle a envie de rentrer. Il commence à t'insulter dans la voiture, pourquoi tu n'es pas suffisamment amoureux. Et c'est ainsi tous les jours, hein? Et puis un bon matin, en te réveillant, on te donne une lettre que ta femme est partie à Palm Beach et que tu dois aller voir le lawyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est une espèce d'avocat. Et alors? Alors te dit le lawyer que tu dois retourner en Europe et te donne le billet du bateau. Ça veut dire que ta femme, elle en a trouvé un autre. Et si tu refuses de partir? Moi, j'ai refusé. Eh bien? Mais le lendemain, est venue la police qui m'a demandé mes moyens d'assistance. Et la bâtie ne peut pas dire que tu as un ami. Ça n'est pas reconnu. Alors j'en ai eu assez et je suis parti. Des mois que j'étais obligé de me soigner en arrivant ici. Pourquoi j'avais l'estomac démoli par les coquetelles? Charmant. N'est pas un pays pour nous, ça, Jimmy. Mais maintenant, comment veux-tu que je fasse? Eh bien, fais comme moi. Travaille. Monsieur Antoine vous fait dire que vous pouvez monter voir ce monsieur, il vous attend. Ah, très bien. Quel numéro de l'appartement? 93. Je vais vous faire accompagner. Hasta luego, Chimi. Au revoir. Mais tu sais, hein? Ça t'a plu, hein? Enfin, ce n'est pas malheureux, il y a une demi-heure que je t'attends. Mais j'avais un travail fou au bureau, je suis venue en courant. Alors ça y est, il paraît, tu es fiancée. Qui te l'a dit? Lily. Ta mère lui a téléphoné ce matin. Je te félicite. Ça va, ça va. Tu es content, je pense. Assieds-toi. Mais il faut que je m'en aille tout de suite. Assieds-toi, je te dis. Écoute, Nicole. Quoi? Combien gagnes-tu chez Lily? 1200. Par mois? Oui. Et puis je me fais à 100% sur les commandes que j'apporte, alors je me ferai dans les 16 000 cette année. En tout? Bah oui, naturellement. Oh là là! Tu trouves que ce n'est pas beaucoup? C'est dérisoire. Mais pourquoi me demandes-tu ça? Dis-moi, tu crois qu'il me prendrait chez lui, ton parrain, si tu lui demandais? Mais Jimmy, pourquoi? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Mais ça veut dire que... Oh vite, Jimmy, tu me rends folle! Mais surtout, ne va pas t'imaginer que c'est une chose décidée. Je veux simplement me rendre compte si... C'est quoi? Si en faisant attention, on arriverait à s'en sortir tous les deux. Tous les deux? Oh Jimmy, c'est vrai, tu veux? Je veux, je n'ai pas dit que je voulais, tu t'emballes tout de suite. Je veux me rendre compte. Mais alors, Dorothy? Quoi, Dorothy? Tu ne l'épouses plus? Mais je n'en sais rien. Oh mon Jimmy, mais c'est fou, ça c'est merveilleux. Doucement, doucement, tu vois, tu recommences à t'emballer. Il ne s'agit que d'un vague projet, tu m'as compris? Oui. Avant tout, il faut parler à ton parrain. Je vais lui téléphoner tout de suite. Oui, tâche de savoir ce qu'il me donnerait pour commencer, tu comprends? Oui, ta mère le sait? Non, naturellement. Quand lui diras-tu? Il faut d'abord que j'ai la réponse de ton parrain. Oui. Quelle réponse? Bonjour, madame. Bonjour. Hein, quelle réponse? Je t'expliquerai. Alors, à tout à l'heure, Jimmy. Oui. Vous ne travaillez donc pas aujourd'hui? Si, mais j'étais venue un instant en passant. Ah, vous savez que Jimmy est fiancé. Oui, madame. Alors il serait peut-être préférable que vous veniez le voir moins souvent maintenant. Bien, madame. Vous comprenez pourquoi? Oui, madame. Eh ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, Jimmy? Fais ce que je t'ai dit. Bon. C'est pas très intelligent de la recevoir ici, si Dorothy l'apprend. Puis qu'est-ce que c'est que cette réponse de son parrain dont vous parliez quand je suis entrée? Elle est allée lui demander s'il voulait me prendre chez lui à sa banque. Te prendre chez lui? Oui. Pourquoi faire? Eh ben, pour travailler. Travailler. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Je crois que je ne vais pas épouser Dorothy. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, seulement j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que ça ne durait pas 3 mois, voilà. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien, Antoine m'a dit qu'elle était furieuse parce que je n'étais pas allé lui dire bonsoir dans sa chambre. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Rien qu'à l'idée de me trouver seule avec elle, j'en suis malade. Mais enfin, qu'est-ce que tu as contre elle? Elle est jeune, elle est jolie. Je ne te dis pas le contraire, mais c'est plus fort que moi. Et puis songe un peu à la vie que tu vas avoir là-bas. Nous avons causé tout à l'heure. Et je me suis rendu compte qu'elle était encore beaucoup plus riche que nous ne pensions, tu sais. Tu seras soignée, dorlotée, un vrai coq en pâte. Oh, oh, la jalousie de tes amis quand ils vont apprendre ça. Oh, et Clarisse, je me réjouis d'avance de voir sa figure. Oui, bah tu tombes mal. J'ai eu des renseignements sur la vie qui m'attend là-bas. Pas plus tard qu'il y a un quart d'heure. Tiens, une vie de galérien. Qui t'a donné ces renseignements? Quelqu'un qui l'a amené, cette vie-là, et qui sait à quoi s'en tenir. Et qui? Carlos. Oh, je me demande un peu de quoi il se mêle, celui-là. Alors, il ne suffit pas à ce monsieur d'essayer de séduire ma fille, il faut encore qu'il entreprenne de débaucher mon fils. Parce qu'il m'a conseillé de travailler. Travailler? Mais est-ce que tu te rends compte, mon pauvre enfant, où ça peut te mener de pareils conseils? Oui, est-ce que tu te rends compte? D'abord, de quel travail serais-tu capable, hein? Veux-tu me le dire? Oh, il n'y en a pas beaucoup, évidemment. Ah! Mais il n'y a pas de quoi t'en vanter, tu sais. Si tu m'avais fait apprendre un métier, je n'en serais pas là. Un métier? Mais pourquoi faire? Mais est-ce que tes frères ont un métier? Votre métier, c'est de vous occuper de vos femmes et de les rendre heureuses. Voilà, un métier. Alors comment feras-tu si tu n'épouses pas Dorothy? D'abord, Nicole gagne sa vie. Qu'est-ce que Nicole vient faire là-dedans? Eh bien, si je l'épouse. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'avais pas compris ça? Tu épouserais Nicole? Oui, naturellement. Oh, Jimmy, c'est pas vrai, hein? Tu dis ça pour me taquiner? Mais non, maman! Ah non, ça c'est trop, je n'ai pas mérité ça! Oh, il y avait déjà Philippe avec cette Luba, maintenant celui-ci! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu, ton père et moi, pour avoir des enfants pareils? Nicole m'aime et moi aussi je l'aime! Eh bien, si elle t'aime, elle peut bien t'attendre! Jimmy, mon enfant, fais-le pour moi, je t'en supplie! Ou si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour la mémoire de ton père qui t'aimait tant. Et qui doit être tellement navré s'il voit de la hausse qui se passe. Prends modèle sur lui, mon enfant. Est-ce que tu crois que ça lui faisait plaisir d'épouser Clarisse? Eh bien, il l'a fait, lui, parce qu'il le fallait. Ce n'était pas pareil. Elle ne l'emmenait pas en Amérique. Ah, c'est entendu. Mais aussi, quelle différence de fortune. Car enfin, je ne devais pas te le dire. Dorothy ne voulait pas que tu le saches maintenant, mais ça ne fait rien, je te le dis quand même. Nous avons causé tout à l'heure. Et alors? Ce qu'elle propose comme arrangement financier est plus que convenable. Rends-toi compte. Elle te fait une pension de 2000 dollars. Par an? Non, mon chéri, par mois. Sans blague! Ah, tu vois que ça vaut la peine de faire un petit effort. C'est sûr, ça? Ah ben, c'est ce qu'elle donnait à ses deux premiers maris. Alors, tu vas être raisonnable maintenant, hein? Tu ne vas plus penser à toutes ces folies, hein? Et Nicole est une brave petite qui comprendra très bien, j'en suis sûre. Veux-tu que je lui parle quand elle va revenir? Oh non, je t'en prie! Comme tu voudras. Mais en tout cas, fais-lui comprendre que sa présence ici est tout à fait indésirable, n'est-ce pas? Mais Jimmy, réponds-moi, voyons. Oh! La voilà. Je te laisse avec elle. Mais tâche que cet entretien ne dure pas trop longtemps. Si Dorothy rentrait, ça ferait le plus mauvais effet. Nicole, venez, mon enfant, venez. Jimmy vous attend. Je n'aime pas beaucoup quand ta mère me parle de cette façon-là. C'est mauvais signe. Écoute, Nicole... Ah bon? Quoi? Ne te donne pas la peine, va, j'ai compris. Seulement, t'aurais pu m'éviter d'en parler à mon parrain, c'était bien inutile. Je te jure que je suis plus à plaindre que toi dans tout ça. Ah, tu trouves? Mais écoute, Nicole, es-tu capable d'avoir un peu de patience? Mais qu'est-ce que ça veut dire encore, ça? Dans 2 ans, je divorce et je t'épouse. Quelle histoire? Je n'est pas une histoire, je sais que ça marchera pas. Alors si tu le sais, pourquoi l'épouses-tu? Pour la pension, pardi. J'ai 2 000 $ par mois. Veux-tu parier que j'en mets les 2/3 de côté? Mais la vie est chère là-bas, tu sais. Ça dépend comment on vit. À chaque fin de mois, je t'enverrai ce que j'aurai mis de côté. Et tu le placeras à mon nom chez ton parrain. Ah. Je voudrais bien me croire, Jimmy, mais... Il faut me croire. Tu le sais bien que tu es ma femme. Jimmy. Tu m'attendras? 2 ans. Je tâcherai. Tu dis? Oui, je t'attendrai. Jure. Je te le jure. Oh, oh pardon, excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas de mal, Antoine, il n'y a pas de mal. Elle est là, elle le cause dans le vestibule avec même le roi Gomez. Je passe par ce côté. Au revoir, Jimmy, tu me téléphones. Oui, oui, oui. Au revoir, monsieur Antoine. Au revoir, mademoiselle Nicole. Ma future femme, Antoine. Ah oui? Dans 2 ans. Ah, c'est ça. Alors, Mrs. Primal, c'est... C'est provisoire. Ah, bah, je comprends. Vous faites un extra. Si vous voulez. Tous mes compliments, monsieur Jimmy. Décidément, on n'a pas le temps de vous féliciter aujourd'hui. Ah, Jimmy, tu es là. Il faut tout de suite aller trouver Dorothy pour aller t'excuser pour ta conduite d'hier soir. Mais oui, où est-elle? Elle est montée dans sa chambre, elle t'attend. Pourquoi chez elle? Bah, elle a dit qu'elle était un peu fatiguée, qu'elle allait s'étendre. Déjà? Comment? Non, je pensais que j'avais jusqu'à ce soir. Enfin. Tu vas tâcher d'être un peu gentil, n'est-ce pas? Mais oui, maman, mais oui. Ah, mon pauvre Antoine, c'est pas rigolo, la vie. Hein. C'est un moment à passer, monsieur Jimmy. Oui, 2 ans. Mais alors, quelle noce, Antoine. Dans 2 ans, je suis tranquille. Il aura pris des idées un peu plus raisonnables. Ah, ces enfants, mon bon Antoine, quel tracas. Enfin, en voilà un de casé quand même. Mais Philippe, il va falloir que je lui parle très sérieusement, vous savez. Ça ne peut pas continuer comme ça. Christina finira par demander le divorce, c'est sûr. Justement, il est là-haut, monsieur Philippe. Où ça, là-haut? Chez sa femme, madame. Non. Il est arrivé il y a un petit quart d'heure. Mais dites-moi... Mais c'est un peu meilleur signe, ça. Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'il finirait par s'assagir et comprendre que son bonheur est auprès de sa femme? Oh, elle l'aurait bien mérité, la pauvre petite. Ça, il peut chercher. Il ne trouvera pas facilement l'appareil. Oh, sûrement, madame. Douce, dévouée, fidèle. Fidèle dans une certaine mesure. Mais elle avait bien des excuses, il faut le dire. Oh oui, madame. Elle a été d'une patience avec Philippe. Mais elle en sera récompensée, vous verrez. Il finira par lui revenir. Ça se peut bien, madame. Oh, j'en serais si contente, mon bon Antoine. Je ne sais pas ce que je donnerais pour ça, voyez-vous. Oui, oui, madame. Seulement pour ce matin, c'est madame Philippe qui lui a téléphoné de venir. Ah, enfin, il est venu quand même. Oui. C'est déjà quelque chose. Oui, madame. Et pourquoi lui a-t-elle téléphoné de venir? Vous ne savez pas? Elle voulait lui montrer une lettre qu'elle a reçue ce matin. Une lettre? Une lettre de Buenos Aires. Oui, madame, des nouvelles pas trop bonnes, à ce qu'il paraît. De sa famille? Oui, madame, de son oncle. Bien. Celui qui est président d'une banque. Ah, il ne va pas bien? C'est-à-dire, c'est sa banque qui ne va pas bien. Ah! Oui, elle a fait de mauvaises affaires. Allons bon. Et comme c'est là que madame Philippe avait tout son argent, alors forcément, elle est assez ennuyée. Mais enfin, c'est pas une chose grave pour elle. Ah, je ne sais pas, madame. En tout cas, elle paraissait très préoccupée. Vraiment? Oh, elle répétait tout le temps, c'est la ruine, c'est la ruine. Mais c'est pas possible. Parce qu'il paraît que son oncle aurait spéculé et finalement aurait tout perdu. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, je ne sais pas, madame. Oh, mais c'est épouvantable! Ah, décidément, mais nous n'en sortirons jamais! Ah, si même avec les fortunes argentines, on ne peut pas être tranquille, alors! Ah. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Bonjour, Dieu. Monsieur Manuel. Ah, ben, tu arrives bien, tiens. Bonjour, Antoine, qu'est-ce qu'il y a? Sais-tu ce qu'Antoine vient de m'apprendre? Non. Et Christina est ruinée. Quoi? Ben oui, elle avait tout son argent dans une banque de Buenos Aires qui a fait faillite et elle a perdu toute sa fortune. Mais quelle banque? Celle de son oncle? Oui, monsieur Manuel. Nom de Dieu! Quoi? Tu peux me garder les enfants 5 minutes, ils sont dans le hall. Oui, pourquoi? J'avais 3000 actions de cette banque en portefeuille. On m'avait dit que c'était une affaire d'or. Ben, je vais tenter de les vendre, on n'a plus que ça à faire. Par exemple, et il y en a qui disent que j'ai de la chance. Décidément, c'est la série noire qui continue. Ah, maman, je te cherchais, il arrive à Christina une chose très désagréable. Je sais, Antoine vient de me le dire, elle est ruinée. Ben, à peu près. Mais enfin, comment a-t-elle pu confier tout son argent à son oncle? C'est insensé! Elle ne pouvait pas prévoir qu'il s'en servirait pour spéculer. Elle ne pouvait pas prévoir. On prend ses renseignements dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu Tu comprends bien que je ne vais pas abandonner Christina dans pareilles circonstances. Qu'est-ce que tu entends par là? Mon devoir est de rester auprès d'elle. Ah, voilà. C'est bien ton avis, je pense. Oh, moi, mon enfant. Je n'ai pas de conseils à te donner, tu es seul juge. Je trouve seulement qu'étant donné la conduite de Christina ces derniers temps avec ce Carlos, tu aurais certains motifs de te montrer moins généreux. Nous avons décidé d'oublier tout ça. Ah. Eh bien, mon enfant, je te félicite. C'est très beau ce que tu fais là. Peut-être pas très intelligent, mais c'est très beau. C'est assez naturel, non? Oui. Et que devient cette Luba dans tout ça? Luba? Oui. Tu la quittes, probablement. Bah forcément. Pauvre petite, enfin. Oh, elle n'a plus tellement besoin de moi, non? Grâce à Christina, j'ai réussi à ranger l'histoire de l'Hispano, c'était principal. Mmh. Et puis, je ne suis pas inquiet pour elle, elle se débrouillera, elle a l'habitude. Tandis que Christina, toute seule sans argent, qu'est-ce qu'elle deviendrait si je l'abandonnais? Ah, parce que c'est toi qui vas la faire vivre à présent. Bah, et dame! C'est une oui. J'ai pensé que Lily pourrait peut-être me prendre chez elle. Ah, parce que tu veux travailler, toi aussi, bien entendu. Mais il faudra bien. Oh, décidément, c'est une épidémie. Monsieur Philippe, madame vous cherche. Prévenez-la que je suis ici. Dis-lui quelque chose d'affectueux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Qu'elle sente ta sympathie, voilà tout. Philippe, il vous a dit, signora. Mais oui, mais oui, il m'a dit. Quel malheur, n'est-ce pas? Ah oui, comme malheur, on ne fait pas mieux. Je vous plains bien sincèrement, ma chère petite. Merci. Vous avez vraiment tout perdu? Oh, presque tout, oui. Charmant. Enfin, ça vaut mieux que de se casser une jambe, dit-on. Bien sûr. Non, c'est pas si sûr que ça, parce qu'une jambe cassée, ça se répare. Mais une fortune perdue, ça ne se répare pas. C'est quelque chose. Je demande pardon, mais il faut que j'aille m'occuper des enfants de Manuel, qui est parti comme un fou en me les laissant sur les bras. Ah, Antoine, où sont les enfants? À côté, madame, il s'amuse. Mrs. Freeman vient de téléphoner que madame n'attend pas monsieur Jimmy pour le déjeuner. Il restera avec elle pour lui tenir compagnie. Ah, la bonne. Ah, celui-là au moins me reste. Elle a pas l'air très contente, la signora. Tant pis, ça lui passera. Tu n'es pas trop fatiguée? Tu ne veux pas te reposer? Oh non, ça va très bien. Enfin, c'est-à-dire que ça va aussi bien que ça peut aller dans un moment pareil. Alors, veux-tu que nous allions déjeuner tous les deux quelque part où on soit tranquille? Oh oui! Enfin, si tu veux, parce que moi, je n'ai pas beaucoup faim. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut tout de même se nourrir. Tu as la voiture? Oui. Alors, autant en profiter, non? Puisqu'elle est là. Alors, partons. Au revoir, Antoine. Au revoir, monsieur Philippe. Va, je viens tout de suite. Ah oui, madame, on le dirait. Vous voyez, moi, je le savais. Oui, seulement madame Fabien d'écrire un petit mot à son oncle pour l'avertir parce qu'il a pris quelque chose depuis ce matin. Oh, vous avez raison. Pauvre homme, je vais le faire. Oui. Eh bien, tu viens, Christina? Voilà, mon chéri. Ah, monsieur Carlos. Eh bien, vous avez vu leur Garfield? Ça n'a pas marché? Oh, pourtant, quand je l'ai quitté, il avait l'air tout disposé à vous prendre comme secrétaire. Et vous appelez ça une secrétaire? Comment? Alors, je préfère encore les femmes! Ah, c'est donc pour ça qu'il me demandait si vous étiez brun ou blond. Oh, je me disais aussi. Oh, ça, je suis désolé, monsieur Carlos. Je me doutais pas de ça, autrement. Je vous aurais tout au moins prévenu. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça. Moi, ça ne me plaît pas. Ah, ben, c'est bien votre droit, monsieur Carlos. Des goûts et des couleurs, n'est-ce pas? D'ailleurs, tout ça vaut peut-être mieux. J'ai un message à vous faire de la part de mademoiselle Lily. Elle demande à ce que vous passiez la prendre pour le déjeuner. Je n'avais pas la boîte. Elle m'a remis ça aussi pour vous. Un cadeau? Je n'en veux pas. Je regardais toujours, monsieur Carlo. Tiens, je vous dis que je n'avais rien accepté d'elle. Regardez donc. Oh, mais c'est magnifique. Eh bien, vous en avez de la chance, monsieur Carlos, de recevoir des cadeaux pareils. Je vous dis que je n'en veux pas. Allons, soyez raisonnable, monsieur Carlos. Hein? Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faut pas être trop exigeant dans la vie. Allez, allez, tenez, mettez cette bague à votre doigt. Voilà. Vous ne le regretterez pas, vous verrez, monsieur Carlos. Ouais. Mais peut-être, elle va le regretter, hein? Ah oui, et pourquoi donc? Pourquoi je vous garantis que ça va lui coûter quelque chose, hein? Ah, Antoine! Vous savez la dernière invention de Philippe, Antoine? Sa femme est ruinée, alors il lui revient. Eh oui, madame. Est-ce que ce n'est pas désespérant? Bon, à la place de madame, je ne m'inquiéterai pas. Ah, vous trouvez qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Bon, tout ça finira par s'arranger. Et comment voulez-vous que ça s'arrange? Mais si madame voulait croire, et ce serait une bonne fois de se tourmenter au sujet de ses enfants, parce que, faits comme ils sont, ils se tireront toujours d'affaire. Oui, oh, c'est facile à dire. Il y a 22 ans que je suis ici, madame. Eh bien, je n'ai encore jamais vu de messieurs comme eux manquer de quelque chose. Ils le voudraient qu'ils ne le pourraient pas. Que Dieu vous entende, Antoine. Oui, madame, même sans ça. Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Le petit Manuelito ne peut pas jouer avec sa sœur. Oh, qu'ils sont assommants, tous les deux. Ou alors il faut qu'elle lui donne des sous. Eh bien, qu'elle lui en donne. Tenez, donnez-lui ça. Oh, mais ce n'est pas suffisant, madame. Monsieur Manuelito demande 5 francs au moins. 5 francs? Il dit que c'est pour mettre dans sa tirelire. À la bonne heure. Tenez, voilà. Et maintenant qu'il me laisse tranquille, n'est-ce pas? Ce Manuelito, qui n'a pas encore 10 ans. Rendez-vous compte, Antoine. Eh oui, déjà sérieux comme un petit homme. Eh bien, madame peut dire ce qu'elle voudra. Moi, je trouve qu'elle a de la chance avec sa famille. La pièce que nous avons eu la joie de jouer pour vous est de Édouard Bourdet. Les décors sont de Roger Hart. Les costumes sont de Donald Cardwell. Yvan Barco, Nathalie Piel, Colette Tessèdre, Bernard Tiffen, Edith Perret, Édouard Sanderson, Christine Kezat, François Duval, Sabine Azéma, Jacques Buron, Myriam Colombi, Denise Jans, Lise Delamarre. Et la mise en scène est de Jacques Charon. Thank you.